c'est parti, vous écoutez La Voix des Guerriers, votre émission hebdomadaire sur le plus beau sport et le sport qui vous intéresse puisque vous nous écoutez et on va vous en parler pour au moins la prochaine heure. Beaucoup de plaisir comme d'habitude, puis on a quelques sujets. On a hâte par contre que le prochain UFC ou l'événement Strikeforce arrive, mais on a quand même des événements somme toute intéressants à nous mettre sous la dent en ce matin du dimanche 11 octobre 2009. On va vous parler de l'événement qui a eu au Japon, Dream, de la WEC, de l'événement qui a eu lieu à Gatineau, Warrior One. On aura les résultats d'un peu de tous ces événements-là. On vous parlera des nouvelles et tout ça, et tout le tralala. Et on va vous présenter une ou deux cartes à la toute fin de l'émission, dont un qui va se dérouler au Québec, l'événement de la MFL, toute nouvelle organisation, et un événement qui aura lieu en Hollande, Ultimate Glory, qui nous propose une carte hybride mélange de K1 et de MMA, à laquelle Sammy Shields, grand champion de K1, il va s'y retrouver, et également Alistair Overeem, combattant de MMA que vous connaissez bien, qui va faire partie très bientôt d'une carte du Strikeforce, peut-être aux alentours du début de l'année 2010. On a bien hâte de le voir, ce grand garçon de 6 pieds, 5 pouces à peu près, et peut-être le voir à l'œuvre face à un Brett Rogers, ou pourquoi pas Fedor Emelianenko. Mais pour l'instant, on souhaite la bienvenue à l'homme nouvelle, Fred Garcia. Salut Ken, ça va bien? Ça va super bien, alors des sujets assez intéressants, mais on va commencer l'émission par parler de notre émission La Voix des Guerriers qui va revenir semaine après semaine et on vous entend et on espère que vous allez être là en grand nombre et on a des nouveautés à vous proposer au cours des prochaines émissions et également sur le site mmanouvelle.com. Fred, parle-nous d'un projet sur lequel tu travailles depuis, je pense, quelques jours, quelques semaines, quelques mois et à laquelle tu as mis peut-être beaucoup d'heures. Et tu m'en as parlé là au cours de la matinée, puis ça a l'air vraiment intéressant. Mais parle-en aussi à nos auditeurs qui, j'en suis persuadé, vont avoir beaucoup de plaisir à jouer avec ce petit truc-là au cours des prochaines semaines. Oui, ben c'est ça. En gros, on vient de passer quelques minutes. Je t'ai montré le nouveau jeu que j'ai codé. Ça va s'agir, il va s'agir d'un jeu de paris virtuel, si on veut. C'est aucune vraie argent, c'est juste pour s'amuser complètement. Il n'y a pas d'argent à gagner non plus. Mais le but va être de simuler, si on veut, une ligue de paris virtuel. Le principe va être le même que sur les sites de gambling que l'on retrouve en ligne, où ce que les combats vont se retrouver avec des cotes. Et les joueurs, nos lecteurs, nos auditeurs vont pouvoir venir gager leur crédit et remporter simplement l'honneur d'être le meilleur prédicteur dans le domaine du gambling virtuel, si on veut. Alors, ça risque d'être un beau petit jeu le fun parce que, en plus de ça, les cotes, c'est comme dans les vrais sites, ils sont dynamiques. C'est-à-dire que si pour un combat à venir comme Lyoto Machida contre Mauricio Rua, trop de monde gagerait sur Lyoto Machida, ça va affecter les cotes. Alors, c'est un jeu qu'il va falloir qu'on retourne souvent sur le site pour regarder qu'est-ce qui se passe. Oh, ça c'est intéressant, mais nos prédictions, on doit les faire, j'imagine, si j'ai bien compris le système, ben, c'est mieux de les faire juste avant le combat, pas trop avant, c'est ça? Ou... Non, le concept va être de vouloir trouver la meilleure cote. C'est-à-dire que si quelqu'un est défavorisé à 2 contre 1 et que tout d'un coup il devient à 3 contre 1, ben c'est mieux de l'avoir à 3 contre 1 si on veut. La cote est dynamique, elle peut toujours changer. Alors, il faut la suivre quasiment 24 heures sur 24 si on veut avoir la meilleure possible. OK. Mais lorsque j'ai fait un choix, je dirais donc 3 jours avant un événement, donc j'ai pris, disons, Machida, et bon, sur une cote X, est-ce que 2 jours après, bon, la cote a peut-être changé? Oui, mais ton pari est officiel à la cote que tu l'as eue. Alors, au moment que tu as gagé, si c'était Machida vaut 1,50, c'est à ça que tu l'as gagé, même s'il descend jusqu'à 1,10, tu l'as eu à 1,50 pour ton pari. Ah, je comprends. Ah, parfait. Ben, c'est magique tout ça. Puis je pense que j'ai même compris. Alors, même pour les plus niaiseux de nos auditeurs, ils ont probablement compris aussi. Parce que si j'ai compris, il y a des bonnes chances que tout le monde ait compris. Je suis pas trop familier au gambling. Je suis pas nécessairement un joueur. Même pas aux cartes, là, en fait. Alors, mais je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à jouer avec ça semaine après semaine. Et puis, le premier événement, il va s'agir du UFC, le prochain UFC qui va avoir lieu avec, bon, Machida, évidemment, qui va affronter Mauricio Roy. On vous invite à jouer en grand nombre. Il n'y a aucun frais autour de ça, mais il y a beaucoup de plaisir, ça c'est garanti. Et je défie les gens d'essayer de me battre, ça sera pas facile. Justement, il y aura également éventuellement une section pour ceux qui vont vouloir jouer en groupe, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas capables d'atteindre mes prédictions. Alors vous allez pouvoir vous former un groupe vous-même ou sinon jouer tout ensemble. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être plaisant de découvrir ça puis de s'amuser avec plusieurs événements. Il n'y aura pas seulement du UFC, là, Fred est versatile. Là. On va y aller dans plein d'événements de MMA, évidemment, là, mais du Strike Force et tout ça. Alors à chaque semaine, on va avoir beaucoup de plaisir à suivre ça. Puis on va regarder ça dans notre émission aussi, parler de celui qui va être le meilleur après moi et de ceux qui sont en fond de grille également, et voir comment tout le monde se débrouille avec ça. Oui, et juste mentionner aussi que c'est vraiment juste pour s'amuser. On n'est pas ici pour faire la promotion du gambling du tout, là. C'est juste vraiment un jeu entre amis et c'est pour l'honneur simplement. C'est juste pour pouvoir dire on est le meilleur et moi j'ai l'intention d'être au-dessus de toi, Ken. Alors je pense que tu célèbres un peu trop vite. Oh, mais attention, j'ai quand même ma voyante là qui est tout près de moi qui va pouvoir m'aider à, je pense, facilement remporter. Mais écoutez, on se donne des défis comme ça, puis on va suivre ça. Puis je vous invite à suivre toujours mmnouvelle.com pour voir comment ça va fonctionner tout ça. Pour plus de précision, faut aller sur le forum. Ben Fred, pour s'inscrire, il faut aller sur le forum de Mémé Nouvelles, c'est bien ça? Oui, mais comme je te disais avant, tout va être live au courant de la journée, en même temps que l'émission radio. Je risque de tout mettre ça en même temps, alors les amateurs vont pouvoir tout faire d'un coup. Ok, puis alors, regardez ça au cours de la journée et puis des prochaines journées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, là, vous allez sur les liens contact de la page internet d'MMINouvelle.com, puis vous posez des questions à qui de droit, donc Fred Garcia, évidemment. Et ne vous gênez pas si vous pensez ne pas comprendre quelque chose, là, parce que écoutez, ça m'arrive fréquemment. Oui, et en même temps, on va peut-être glisser un mot sur notre deuxième grosse nouvelle qui s'en vient mais assez vite. Tu parlais de l'UFC 104, puis on a l'intention d'avoir une belle petite émission avant l'UFC 104, je pense, hein? Oui, c'est complètement fou, Fred, l'homme nouvelle Garcia. On va tenter de faire une émission en direct, juste avant, pour précéder l'événement. Vous vous rassemblez souvent, je pense, en groupe, parce que, veux pas, c'est un sport magnifique, mais c'est quand même dispendieux si vous achetez ça sur pay-per-view. Alors, des fois, on se réunit en gang, puis peut-être une heure avant le début de l'événement, là, donc entre 21h et 22h probablement. Mais on fait une émission en direct, nous, alors ça va être le fun pour vous peut-être, parce que bon, on connaît pas nécessairement toujours tous les combattants. Puis l'homme nouvelle et moi, ben c'est notre travail, c'est on fait le tour de tous les combattants, on va pouvoir parler de leurs fiches, puis voir qu'est-ce qui s'est passé à la pesée. Dans le quotidien de tout le monde, on n'a pas toujours le temps de suivre tout ça, mais nous, on va le faire pour vous, puis on va discuter de ça, puis ça va être intéressant, vous allez pouvoir interagir en même temps avec nous. Par la voie bon du courrier électronique. Peut-être qu'éventuellement, je sais pas si c'est on sera en mesure de prendre des appels sur Skype en même temps pour discuter avec les auditeurs qui vont être fébriles juste avant quelques minutes avant un événement. Puis est-ce que bon les paris là, j'en reviens un peu aux paris là du jeu virtuel dont tu nous as parlé. Les paris prennent fin quand exactement? Ils prennent fin exactement la minute que le gala commence. C'est-à-dire que si l'UFC, par exemple, 104 qui commence à 10 h PM, heure de Montréal, et 4 h AM, heure de Paris, les paris vont fermer à cette heure-là exactement. D'accord. Alors, c'est seulement les combats principaux, on s'entend? Oui, ben, je vais sélectionner les meilleurs combats que moi je vois qui ont un intérêt. Et si jamais il y a des amateurs qui voudraient des combats, ben, je les invite à envoyer un email. C'est pas trop compliqué à rajouter un combat de plus. Ah, c'est parfait. Ben, vous comprenez qu'évidemment, s'il y a des combats en sous-carte, ben là, on peut pas voter quand le combat a commencé. Mais juste à la toute dernière minute avant que le combat commence, là, les paris prennent fin. Ça va être intéressant. Puis dans notre émission d'avant-combat, on va pouvoir suivre ça aussi, parler de comment ça fonctionne, tout ça, puis voir à quel point je suis dominant. parler des classements. Ça va être vraiment le fun. Puis ben, ça va être notre première tentative, là, la soirée du 24 octobre avant le UFC 104. Alors, évidemment, il y aura sûrement du travail à faire, mais soyez-y. Soyez-y, nous on va être là, puis on espère que ça fonctionne très bien, mais je pense qu'avec avec l'expérience, on va s'améliorer, puis ça va bien rouler, mais peut-être quelques petites surprises pour le UFC 104, mais ce qui est certain, c'est que si ça fonctionne comme sur des roulettes, là, et ça va être intéressant tout ça, puis on vous invite à être là, en parler à vos amis, puis... Parfois, avant un événement du UFC, on ne sait pas trop quoi faire. Vous allez avoir au moins un petit bruit de fond, peut-être, pour accompagner votre soirée. Tu vois, je vais faire une petite prédiction, vu que je commence à te connaître. Je pense que tu vas mettre beaucoup de crédit sur Machida puis Cain Velasquez. Oui, alors, j'adore Machida. Puis Velasquez, je trouve que c'est un bon test pour lui. Rothwell, il est très grand, il est gros, il est costaud. Il sera... pas aussi facile que Cheick Kongo a amené au sol. Debout, bon, Rothwell est sûrement pas aussi solide que Kongo, mais il se débrouille plutôt bien. Alors, ça va être un bon test pour Velasquez s'il le passe, mais là, je pense qu'il va encore se rapprocher d'un combat encore plus significatif. Et je suis content qu'il va pas tout de suite se frotter au gros Brock Lesnar, mais étape par étape, il va à la 15, 2-3 ans, là, c'est un potentiel sérieux à la couronne des poids lourds. Ah oui, complètement d'accord. Très, très beau, très belles habiletés. Puis comme je te disais déjà dans le passé, moi j'aime beaucoup son stand-up pour un gars qui vient du domaine de la lutte. En quelques années, il a beaucoup amélioré son stand-up, je trouve. Oui, puis beaucoup de courage, mais son stand-up, on l'a peut-être pas vu comme Cheick Kongo qui, à chaque début de round, l'a atteint solidement, mais Velasquez a toujours continué à rentrer sur Kongo, puis a dominé chacun des trois engagements. Alors, on vous invite, avant qu'on vous parle des prochaines cartes, à nous envoyer vos commentaires, vos critiques, vos plaintes, quoi que ce soit, sur radio@commercialmmmnouvelles.com. Vous avez des questions également. Alors, n'importe quoi, ça se fait à cette adresse que je viens de vous mentionner. Et allons-y tout de suite avec l'événement qui s'est déroulé hier soir. Mon ami Fred de Garcia, qui a vu l'événement. Moi, j'ai rien vu de tout ça. Alors, évidemment, Fred va nous parler de cette carte de la WEC, 43e édition de cet événement qui rassemble des combattants de petits poids. Oui, hier soir, la WEC présentait un gala qui était supposé être présenté au mois de septembre, mais ça avait été retardé, on nous a dit, à cause d'une blessure de Ben Anderson. Oh! Mais il avait pas l'air trop magané hier d'une blessure, alors il y avait aussi beaucoup de rumeurs qu'il y avait des problèmes avec Versus, qui est la chaîne de TV qui diffuse la WEC. Eux autres avaient des problèmes avec, il me semble c'est DirecTV, un fournisseur satellite qui voulait plus avoir leur chaîne, alors la WEC perdait beaucoup de maisons où ils pouvaient présenter leur gala. Alors, il y a eu beaucoup de controverses. Ça s'est pas réglé. Alors, le gala a eu lieu hier. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de combats intéressants, je trouve. La finale de la soirée a mis aux prises Donald Cerrone puis Ben Anderson. C'est deux gars que j'aime bien dans la division des poids légers, mais malheureusement, cette division-là a pas d'affaires, là, il me semble, dans la WEC, parce que, justement, ça appartient à l'UFC, puis l'UFC a aussi cette division-là. Mais les deux gars nous ont donné un super de beau combat. Cinq rounds remplis d'action. Le premier round a été très serré, puis je pense que c'est là que ça s'est décidé, parce que le second puis le troisième round ont appartenu à Anderson sans équivoque, selon moi, puis le quatrième et cinquième à Donald Cerrone. Alors, le premier round qui a été très serré, selon moi, c'est ça qui a eu l'impact sur cette décision-là. Oui, ben, selon les fiches des juges qui étaient là, on a donné une victoire unanime pour Anderson, 48-47 dans les trois cas. Par contre, je suis allé voir sur quelques sites, je pense MMA Weekly était en accord avec ça, mais Sherdog, par contre, donnait l'avantage, parce que Sherdog, ils vont avec trois juges de la maison, puis les trois ont donné la victoire à Donald Cerrone, toujours dans des rounds très serrés, mais on donne l'avantage à Cerrone. Et de ton côté, Fred, est-ce que tu trouves que la décision est correct, ou c'était vraiment chaudement, ça aurait pu aller d'un bord et de l'autre? Regarde, moi aussi, je vais être honnête, j'ai donné le premier à Cerrone, j'ai donné le quatrième et cinquième à Cerrone, et j'ai donné les deux autres à Anderson, J'ai pas vraiment donné de pointage, j'ai juste fait ça dans ma tête, mais je peux voir qu'un des deux rounds d'Anderson aurait été un 18 facilement, puis je peux voir aussi que le premier round aurait pu aller à Anderson. Alors, j'ai pas de problème avec la décision, c'était un excellent combat, ça a été rempli d'action tout au long. Anderson a montré du courage, il est sorti d'au moins 4-5 soumissions que c'était à peu près sûr qu'il allait s'endormir. Des chokes, des armbars. En fin de combat, il avait l'épaule complètement tournée. On aurait dit que ça allait sortir, mais il n'a pas lâché. Alors, Anderson l'a mérité, selon moi, la victoire. Puis même en parlant puis en y pensant, je pense que c'était la bonne décision parce que les rounds qu'il a dominés, il a été beaucoup plus dominant que ceux que Cerrone a dominés. Alors, Cerrone, ça fait deux guerres qu'il livre, là, sa dernière face à Jamie Varner. Varner, d'ailleurs, avait remporté, mais il s'en est sorti fracturé d'à peu près partout, le pauvre garçon. Mais Varner avait remporté le combat on avait arrêté le combat, puis on lui avait donné la décision à ce moment-là pour Jamie Varner. Alors là, Varner qui est le champion de la catégorie, Ben Anderson qui est le champion intérimaire. Alors, il n'y a pas de doute, les deux vont s'affronter, puis on imagine que le gagnant, Cerrone pourrait peut-être l'affronter, puisque quand même, Cerrone a pas démérité là, à travers tout ça. Il a perdu, mais une décision très... Une décision unanime, mais quand même très partagée, très serrée. Alors, Cerrone, je pense qu'on va le revoir assez rapidement. Peut-être face au vainqueur, ça pourrait être intéressant. Ouais, ben les trois que tu as mentionnés, selon moi, devraient venir dans l'UFC. Moi, je pense qu'ils sont capables de tenir le coup avec des gars comme peut-être pas avec BJ Penn ou Diego Sanchez encore, mais avec les Nate Diaz, Melvin Gaillard ou Gray Maynard, ces différents combattants-là, un gars comme Donald Cerrone ou Ben Anderson a sa place dans la même cage, selon moi, là. Oui, et de toutes les manières, on va le voir un peu plus tard dans l'émission. Il y a quelques combattants des 155 livres du UFC qui ont été coupés. Alors, ça le fera de la place peut-être pour ces noms qu'on vient de vous mentionner. Dans le cas de Ben Anderson, il va chercher une 10e victoire, une 9e consécutive. Il n'a que une défaite à sa fiche. Alors que Cerrone, lui, c'est sa 2e défaite. Il a déjà 10 victoires. Et 9 de ces 10 victoires-là par soumission. Et comme Fred vient de nous le mentionner, il a tenté quelques soumissions sur Anderson, mais Anderson s'en est sorti à chaque fois, c'est bien ça? Oui, puis c'était vraiment de quoi avoir. S'il y a un combat que vous devriez regarder, tout le monde, c'est celui-là. Surtout les dernières 10 secondes, parce que on aurait dit que l'épaule d'Anderson allait sortir de son bras. C'était quelque chose à voir. Ouh, ah oui, ça, j'ai envie de voir ça. Une épaule sortie le matin, ça se prend bien. Par la suite, Fred, un autre combat. Ouais, ben, il m'a passé vite sur le combat qui était juste avant parce que Dave Jensen a battu Richard Kronkilton. Mais c'était un beau combat à voir, beaucoup d'action. Mais les deux m'ont semblé très techniquement, si on veut, flou. Il manquait de technique. C'était beaucoup de coups, si on veut, wild. J'ai pas le OK. mot. Alors, Ah, des bagarreurs de rue, là. Exactement, sans penser, juste des gros coups. Une fois au sol, Dave Jensen contrôlait l'action. Alors, c'est le même qui a gagné le plus, là. Il a gagné par décision unanime. Et c'est Oh. justement au sol qu'il a sûrement pris l'avantage dans les yeux des juges. Mais ça lui en fait 14 maintenant pour Dave Johnson, qui en était à sa première expérience dans la WEC, alors que Richard Crockelton encaisse sa 3e défaite. Rappelons que ses deux défaites précédentes étaient face à Hermes Franca et Rob McAuliffe. Il a 16 victoires, ce Richard Crockelton. Damasio Page, un autre partenaire d'entraînement, un partenaire d'entraînement de Donald Cerrone, qui s'entraînent tous deux avec le clan de Greg Jackson, était opposé à Will Campuzano. Qu'est-ce que ça a donné comme combat? Ça a donné un combat très rapide où ce que Damasio Page a remporté par Rear Naked Choke au premier round. Dès que ça s'est retrouvé au sol, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Puis Damasio Page a pris le dos de son opposant, a réussi à le soumettre. Tu parlais de Greg Jackson. Il était aussi dans le coin de Yves Jabouin qui combattait aussi hier soir. Oui, ben. Malheureusement, Yves y a perdu contre Raphaël Assuncao. C'était un très bon combat. Il a perdu par décision partagée et même un des juges lui a donné le pointage 30-27 qui était un peu suspect, là. Ouais, lui, d'après moi, il a pas vu le même combat que les autres, Ouais, ou il y a quelqu'un qui a payé un voyage du Québec à San Antonio, là, je sais hein. pas. Ouais, parce que je suis allé voir aussi sur Sherdog, puis on cite un combat très très serré, mais les trois juges de Sherdog donnent l'avantage à Sung Kao, 30-27 ou 29-28, 29-28 dans les deux autres cas. Mais là, voir un 30-27 à l'avantage de Jabouin, un peu étrange. Ouais, ben moi je connaissais un peu Jabouin du temps du TKO et j'aime beaucoup comme Georges St-Pierre disait dans une des entrevues d'avant combat pour ce combat-là, il est très rapide, c'était beau à voir. Malheureusement, souvent il s'est fait prendre même dans le stand-up, il rentrait rapide, il réussissait à frapper une deux coups, mais il en mangeait un bon aussi. Alors il réussissait pas à faire une vraie attaque, si on veut, de combinaison. Il se retrouvait toujours à reculer après avoir reçu une contre-attaque de son opposant. Alors, ça a été un super de beau combat, beaucoup d'action. Au sol, il m'a pas impressionné, mais il est pas reconnu pour un bon combattant au sol, si on veut, Yves Jabouin. Et il s'est très bien défendu. C'était pas un style agressif à attaque, mais quand son opposant se retrouvait au sol sur lui, Yves Jabouin, il réussissait très bien à se défendre puis à contrer les attaques, là, si on veut, les transitions, là. Oui, ben regarde, je suis un peu surpris. Jabouin, oui, il est rapide, il est très bon debout. Mais moi, ma crainte, c'était dans ma tête, je me disais, Yves Jabouin, s'il remporte le combat, ça va être par KO ou TKO. S'il perd, c'est qu'il va se faire soumettre assez rapidement dans le combat. Mais il a réussi à combattre pendant trois engagements face à un combattant qui avait déjà 8 soumissions en carrière, à son KO, qui a maintenant une fiche de 14-1, qui a très bien fait tout au long de sa carrière, là, seulement qu'une défaite. Et c'était par Jeff Curran, combattant très expérimenté. C'était par décision majoritaire à ce moment-là. Alors, belle performance de Yves Jabouin, qui, malgré une fiche maintenant de 14-5, je pense qu'il se mérite la place de continuer dans la WEC. Puis de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, c'était un combat quand même intéressant, là. C'était pas un combat somnifère. Oui, un très bon combat, beaucoup d'action. Comme je te dis, les deux se sont échangés souvent les coups debout, alors les amateurs ont été servis avec ça. Je pense qu'il va recevoir aussi une autre chance, parce que c'est ça, justement, il a été assez impressionnant pour mériter une seconde chance. On verra quel type d'opposant qu'on le met, si on le met encore contre un top ou plus un gars de niveau de milieu, si on veut, pour l'aider dans une transition, là. Mais ça va être intéressant de le voir, là, un autre Québécois qu'on va pouvoir voir à l'action à la TV. Oui, puis Yves Jabouin qui a seulement 30 ans, maintenant qui s'entraîne avec le Tristar Gym, avec les Georges Saint-Pierre, Stéphane Vigneault et bon plusieurs autres là. Maintenant, on pense à des combattants de l'extérieur du pays qui viennent ici pour pouvoir bénéficier d'un entraînement de Firas Zabi et du clan Zabi. Alors Jabouin, je pense qu'il peut encore s'améliorer avec cet encadrement-là. Et on a bien hâte de le revoir, peut-être dans un combat face à un adversaire qui va vouloir partager debout. J'ai pas vu le combat, mais un combattant peut-être un peu plus limité au sol, mais qui aime combattre debout, ça peut donner des combats vraiment explosifs avec Yves Jabouin. Oui. Par la suite, il y avait quelques autres combats lors de cette carte-là. On va en parler encore avec Fred Garcia, qui en a peut-être vu quelques autres. Le prochain combat sur la liste que je vois, c'est l'Américain Anthony Jokwani, d'origine japonaise, bon, c'est mon impression, face à Moshin Cabré. Est-ce que tu as vu le combat? Je ne suis pas sûr. Je sais que ils ont présenté deux autres combats parce que ça s'est passé assez vite la soirée. Alors, on a eu le droit à deux combats préliminaires, dont celui de Wagny Fabiano qui a perdu contre Mackenzie Semerzier. Et ça a été un très beau combat. Ben, pas un très beau combat, là. Fabiano s'est fait prendre dans une soumission que ça a été surprenant. Mais justement, ça a donné un très beau résultat pour les amateurs qui ont eu une belle surprise d'un jeune inconnu, là. Mackenzie Semerzier a réussi la soumission sur un vétéran de Jiu-Jitsu. Alors, ça a été surprenant. Oui, c'est surprenant. C'est sa 5e soumission quand même pour Mackenzie, qui est un inconnu, en tout cas dans mon cas. 1/5e soumission sur 6 victoires. Alors, c'est quand même impressionnant. Son autre victoire, c'était par KO. Alors, n'a jamais fait la limite. Et là, il affrontait un combattant d'expérience de 34 ans qui s'entraîne avec Terles Letes et plein d'autres gars très solides au sol avec l'équipe Nova Uniao. Wagner, Fabiano, plusieurs gars de Québec là, qui ont sûrement regardé le combat, puis qui sont déçus parce que Wagner, Fabiano vient à l'occasion au Nordic Fight Club, ici dans la région de Québec, de distribuer de faire des séminaires. Eh bien, Fabiano, il encaisse sa deuxième défaite. Son autre défaite, c'était face à Jeff Curran, mais un combat très partagé qui aurait pu aller d'un bord puis de l'autre. Alors, c'est peut-être sa première véritable défaite. Et l'expert au sol, Fabiano, qui a été soumis en plus, s'est rajouté l'injure à la blessure. Et malgré tout, quand même, une fiche maintenant de 12-2 dans le cas de Wagner Fabiano. La ceinture noire sous André Perdoneras, qui va chercher une défaite peut-être dure pour lui à 34 ans. Surtout dans les poids des plus petites divisions, là, comme ça, c'est à 34 ans, on devient un peu plus âgé, je pense, que dans les poids lourds. 34 ans, on est encore au sommet, mais c'est les jeunes loups, là, à 135, 145 livres, sont affamés, sont rapides et tout ça. Et meilleur techniquement, je pense, que dans les poids lourds. Et à 34 ans, ça commence à être un peu vieux, mais j'ai bien hâte de voir Fabien Loup peut-être revenir dans une décision, dans une catégorie de poids un peu plus léger, peut-être, va s'essayer pour descendre une dizaine de livres, peut-être, pour son prochain combat. Oui, ben ça va être intéressant à voir. Là. Comme tu dis, 34 ans, c'est ça qui me fait peur, justement. Comme tu dis, il y a un certain point que un athlète va arriver dans sa carrière qu'il va falloir qu'il prenne une décision avec lui-même, si on veut, là, de quel genre de comment il va dédier son temps à sa carrière, s'il va vraiment tout dédier pour devenir un meilleur combattant, ou si justement on s'en va plus vers la fin, ou ce que l'amélioration, elle sera peut-être pas là non plus. Oui, alors, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y a d'autres combats que tu as? Ben, comme je te dis, il y avait un autre combat qui a été présenté à la télé, mais malheureusement, j'avais une coupe de Budweiser, puis je suis plus sûr c'est lequel qui nous ont présenté. Mais non, on va juste passer vite à travers les résultats, parce que l'événement en tant que tel manquait beaucoup de noms, si on veut. Là. Il n'y avait pas beaucoup de noms connus. Et justement, c'est peut-être une des raisons pourquoi je n'ai moins parlé en pré-combat, si on veut, là. Il y avait pas beaucoup d'attention à générer avec la carte de combat qu'on avait. Alors, pour finir rapidement, bon, Anthony Joquani a remporté son combat par KO. D'ailleurs, ça a été nommé le KO de la soirée face à Martian Carberry. Par la suite, Scott Jorgensen, tant qu'à lui, a remporté la victoire face à Noah Thomas au premier engagement par KO. Également dans son cas, Manny Tapia qui va encore une fois chercher une défaite. C'est une troisième dans son cas et une troisième consécutive en plus de ça. La Tapia qui a été défaite par décision unanime. 30-27, c'est la décision des trois juges. Et Charlie Valencia face à Cody Weller, eh bien c'est Valencia qui l'emporte. Décision unanime également. Et finalement, Javier Vasquez affrontait Davidas Toros et Bessius, et c'est ce dernier qui l'emporte. Par décision partagée, par contre, alors pour finir le combat de la soirée, évidemment le combat principal dont Fred nous a fait part longuement, Ben Anderson face à Donald Cerrone, c'est le combat de la soirée, remporté par Ben Anderson, mais de façon très serrée. Trois juges, une décision unanime, mais quand même, somme toute, très serrée. Alors que la soumission de la soirée, c'est cette victoire surprise de Mackend Semerzière face à Wagner Fabiano, qui l'a cru. C'est pas Fabiano qui a réussi à soumettre son adversaire, mais bien le jeune prospect qui est allé avec un étranglement triangulaire au premier engagement en plus de ça. Le montant du bonus, tu l'as-tu? Je pense que c'est 10 000 $, si je ne m'abuse, mais je ne suis pas certain. C'est pas si pire, ouais, c'est ça. Hein? Un beau petit bonus, là, c'est pas mal plus petit que l'UFC, là, mais c'est un beau bonus qui s'apprend, qu'on accepte bien. Oui, alors c'est ça pour la WEC 43, ça avait lieu ce samedi 10 octobre. Par la suite, Dream 11, on revient un peu plus tôt dans la semaine, c'était le 6 octobre, un événement qui m'a intéressé, j'ai vu quelques-uns des combats, là, alors je vais pouvoir m'appuyer un peu plus. Alors parlons-en de cette carte-là. On va commencer avec l'affrontement entre Kazuyuki Miyata face à DJ Taiki, qui nous intéressait plus ou moins. Et c'est d'ailleurs Miyata qui l'emporte par décision unanime. Ça, c'était le combat de réserve au cas où, dans le tournoi de la catégorie Featherweight, un des combattants qui remportait son combat aurait été blessé. Bien, ça aurait été celui qui a gagné le combat de réserve qui aurait pris sa place. Et bien, heureusement plutôt, il n'y a pas eu de blessure et on a pu continuer. Et allons-y avec ce tournoi-là dans la catégorie Featherweight qui se complétait. Et on a annoncé, je pense, le champion du tournoi. On verra ça. Bibiano Fernandez. Oui, alors le premier combat de ce tournoi-là impliquait Hiroyuki Takaya face à Hideo Tokoro. Et c'est Takaya qui l'emporte par TKO à 32 secondes du deuxième engagement. Alors que dans le cas de Bibiano Fernandez, ça l'a sûrement aidé pour le reste du tournoi d'avoir un combat un peu plus court. Ça n'a même pas duré une minute. Alors c'est un Fernandez plutôt frais qui s'est présenté en finale puisqu'il a remporté son combat de demi-finale face à l'Américain Joe Warren par soumission clé de bras. Warren avait surpris bien du monde en allant chercher deux victoires à ses deux premiers combats professionnels en MMA, dont une face à Kid Yamamoto, qui est une grosse surprise quand même, parce que Yamamoto c'est un excellent lutteur en plus, qui a essayé de se qualifier aux Olympiques et qui a beaucoup d'expérience, beaucoup plus que Joe Warren dans tous les cas. Eh bien, l'athlète de 32 ans, Warren, subit sa première défaite, clé de bras, mais la question que tous se posent, y a-t-il tapé ou y a pas tapé? Oui, il a tapé. Ou s'il n'a pas tapé, il aurait dû taper parce qu'il aurait fini par taper, ou sinon il a Non, arraché le bras. moi je pense qu'il a Alors. tapé, c'était officiel. Il a même tapé deux fois, j'ai vu. Moi, en tout cas, d'après moi, il a tapé. Et la réaction de Fernandez après a dit beaucoup, je pense, justement. Parce que Fernandez, sur le moment, a été très, très fâché. Alors lui aussi a dû penser que Warren avait tapé. Et moi, à la caméra, moi j'ai vu du tapage deux fois. Moi, j'ai vu sa main, mais des fois, si tu places la main juste au cas où quand tu sens que ça va lâcher, là, tu tapes. Je suis pas sûr s'il avait tapé, mais de toute façon, il aurait fini par taper. Alors, je pense que ça règle le débat, mais on va peut-être en parler. J'ai vu l'arbitre peut-être commettre quelques erreurs dans cette soirée-là. Des fois, Oui, ils sont ça je suis pas allumés, d'accord. les Japonais. Oui, ça je Mais suis bon. d'accord. Je sais pas c'est. Ah, j'ai oublié c'est quel. Je pense que Tap, c'était tap. justement l'autre combat de mi-finale où ce que l'arbitre a pas mis fin au combat. Là. Le gars était au sol et il se couvrait la tête. Il a même tapé dans le coin à un moment donné. Puis l'arbitre a pas mis fin au combat. J'ai oublié c'était quel combat, mais en tout cas, ouais, j'ai été très déçu moi aussi des arbitres. Oui, ben c'est ça. Hein. Je pense qu'on se plaint souvent ici en Amérique, dans l'UFC, puis même au Québec, surtout au Québec, là, on en a quelques-uns arbitres qui sont très médiocres et au Japon, ils sont pas plus forts, on dirait. Alors, victoire expéditive de Fernandez l'a aidé pour un peu plus tard, là, on va vous en parler du combat final. Mais là, revenons au tournoi Super Hall qui continuait. C'était les demi-finales. Ikuiza Minowa, petit homme, affrontait le géant Ong Manchoy. Mais le petit homme est habitué à affronter des hommes géants ou des gros obèses. Et Minowa est allé chercher des victoires comme ça face à des monstres. Juste dans son dernier combat face à Bob Sapp, Minowa l'avait vaincu, l'avait tordu la cheville dans tous les sens. Et Bob Sapp avait tapé comme un enfant de 2 ans à la maternelle qui s'est fait voler son jouet. Il a déjà affronté Paulo César de Silva, un autre géant de 7 pieds 2 pouces. Il a déjà vaincu Eric Etch, mieux connu sous le pseudonyme de Butterbean. Alors Minowa, habitué au gabarit impressionnant. Et une fois de plus, il a eu du succès. Victoire au deuxième engagement à 1,27. Et encore une fois, c'est une clé de cheville qui a permis à Minowa d'aller chercher la victoire face au géant coréen là, de 7 pieds et plusieurs pouces qu'est Ong Manchoy. Ouais, ben moi je pense que qu'est-ce que j'ai noté de ce combat-là, c'est que Minowa a plus de succès sur les takedowns contre Choi que Fedor. Et je sais pas, il a réussi le takedown. La séquence me semblait un peu bizarre, là, mais ouais, ça a été une belle victoire où ce qu'il a tordu le genou, justement. Et Choi m'a pas semblé donner beaucoup de résistance, là. J'ai été un peu déçu de sa performance. Ouais, ben Choi, évidemment, peut-être meilleur en K1, puis encore là, c'est pas le plus grand talent, mais il se débrouille quand même. Mais au sol, rendu là, il est dépourvu, puis d'après moi, ça prend pas grand-chose. C'est possible que Fred de l'homme Garcia peut soumettre Ong Manchoy au sol. Ouf, aïe, aïe, aïe. avec mes 150 livres, 155 livres, ça va faire dur. Parce que Hunman Choi, quand tu l'as amené au sol, là, d'après moi, ça peut prendre 2 ans avant qu'il puisse se relever. Peut-être, je sais pas. Moi, j'ai une meilleure opinion de Hunman Choi que ça. Mais regarde, je vais le dire direct, là, j'ai eu l'impression un peu que peut-être il est tombé avec vouloir, là. Il s'est aidé à tomber en même temps. Tu es en train de me dire qu'Hunman Choi participait au pari virtuel d'MMA Nouvelle, puis il avait parié sur sa défaite? Ça se pourrait bien. Oh, dans l'autre cas, dans l'autre demi-finale, Ramo Thierry Sokoudjou affrontait Bob Sapp. Sokoudjou a eu du succès au Pride vers la fin de vie de l'organisation japonaise, avait surpris le frère jumeau Nogueira et Ricardo Arona, par KO tous les deux, victoire expéditive, de belle façon, est arrivé dans le UFC. Il a eu l'air un petit peu moins brillant, a perdu face à Machida, entre autres. Par la suite, je pense que c'est Louise Kane. A eu plus ou moins, pas eu de succès dans les UFC, tellement qu'on lui a dit bye-bye. Par la suite, a affronté Renato Sobral. Je pense que c'était pour Affliction. Il avait été défait sous une autre soumission. Sokoudjou manque beaucoup de souffle. Un gars quand même de très musclé, peut-être un peu trop pompé, puis il s'essouffle rapidement. Mais là, il affrontait peut-être le combattant qui a le moins de souffle sur terre. Bob Sapp, qui avait été défait déjà en quart de finale, mais étant donné qu'il y avait une blessure à Gégard, que j'appelais autrefois Gérard, mais maintenant je suis forcé d'appeler Gégard, Mousasi. Eh bien, Bob Sapp l'a remplacé à pied levé. Et Bob Sapp s'est fait infliger une autre enclée. Pauvre garçon de 350 livres à peu près. Joueur de la NFL, où il a été repêché par la NFL. Je suis pas sûr qu'il a vraiment joué dans la NFL. Mais en tout cas, gros gabarit, très impressionnant. Mais encore une fois, autre défaite, Bob Sapp face à Sokoudjou. Sapp a encore une fois perdu au premier engagement à 1 minute 31. Sokoudjou l'a amené au sol, puis à un grand coup de poing, Bob Sapp a perdu. Ouais, je vais lui donner crédit. Quand le combat a commencé, Sapp a sorti agressivement, puis il a même mis de la pression sur Sokoudjou, mais une fois qu'ils se sont retrouvés en clinch, Sokoudjou a réussi un takedown. Et un des commentaires sur mon blog par rapport à ce combat-là était que Sokoudjou avait donné des coups un peu en retard, là, si on veut, après que l'arbitre avait arrêté. Et moi, j'avais pas vu le gala en direct, vu que c'était pendant la nuit pour nous autres. Mais je suis un peu en accord et déçu de comment que Sokoudjou a réagi. Ça fait 2 combats de suite que... Oui, c'est vrai. Face à John Norgi qui avait fait ça. Oui, exactement. Ce qui est le plus de valeur, c'est que au Japon, je pense pas qu'ils vont faire quoi que ce soit comme sanction par rapport à ça. Ici, en Amérique, c'est déjà arrivé avec Renato Sobral, justement, qu'il y avait eu... Il a continué son choke, c'est ça. L'UFC l'avait renvoyé. Et je suis pas sûr si la commission lui avait aussi mis une sanction, là, mais au moins, l'UFC avait pris position en disant qu'on n'accepte pas ça. Et là, 2 fois Sokoudjou, là, c'est décevant. Je voudrais vraiment pas avoir une troisième parce qu'il va se faire un mauvais nom dans le domaine, si on veut, dans le milieu. Oui. Mais je vais t'avouer, par exemple, j'ai trouvé ça un peu plus prononcé dans son combat précédent, là, face à Jonathan Norgi. Mais face à Bob Sapp, peut-être un ou deux coups de plus, mais pas sans plus. Puis Bob Sapp, de toutes les manières. C'est pas le coup autant que quand l'arbitre était là, il a essayé de tasser l'arbitre. Il y a eu la réaction de tasser l'arbitre quand l'arbitre s'est interposé. Puis c'est ça justement que j'aime pas plus que ça. Les combattants devraient réagir que l'arbitre, c'est la fin. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais, t'as tout à fait raison là-dessus. Et rappelle-toi, Bob Sapp avait déjà fait ça également face à un Coréen ou un expert en judo. Puis le judoka avait surpris Bob Sapp, l'avait atteint solidement. Puis le combat avait été arrêté, je me souviens plus pour quelle raison. Mais lorsque le combat était reparti, là, Bob Sapp était déchaîné, a foncé sur le gars qui était un Japonais ou un Coréen qui était avec son gi, là, son kimono, et Bob Sapp, il en a sacré une bonne, puis Bob Sapp est encore un peu frustré, puis même après que le combat était terminé, continuait à vouloir frapper le pauvre Asiatique qui était con. Bon, on peut aussi retourner à l'UFC 1, quand Royce Gracie a mis un choke sur Ken Shamrock, puis que Shamrock a tapé, et que l'arbitre l'a pas vu. Le combat final contre... J'ai oublié le nom, là, c'est l'Allemand ou l'Autrichien. On en a parlé l'autre jour, là, qui avait. Gérard Gordeau. Exactement. Royce Gracie a gardé le choke un bon 3-4 secondes de plus, là, justement. Puis il avait dit à l'arbitre après ça, ben ouais, mais tu l'avais pas vu ou de quoi de même, genre, parce que le combat d'avant, Shamrock avait tapé, puis l'arbitre avait manqué ça. Oh, continuons avec le Dream 11, les combats qui n'étaient pas dans les tournois. Il y avait Tatsuya Kawajiri face à Melchor Maribuzan, et c'est Kawajiri qui l'emporte. On est-tu heureux qu'il ait remporté? Nous, on s'en fout pas mal. Victoire à 3 minutes 48 du premier engagement. Oh, la légende, Kazushi Sakuraba affrontait Robin Williams, sombre inconnu dans le MMA, c'était son premier combat. Un combattant quand même qui a de l'expérience en boxe professionnelle, mais je pense pas que ça vous émeut tant que ça, hein, honnêtement, soyons sérieux. Mais Sakuraba est allé chercher la victoire à 2 minutes 53 du premier engagement par Kimura. Donc c'est évidemment Kimura, c'est l'arme préférée de Sakuraba, puis le boxeur Williams y a goûté. Ouais, puis comme je disais la semaine passée, moi, dans le cas de Sakuraba, je pense qu'il a trop combattu, peut-être, mais... Au Japon, il l'adore, c'est une légende, et mondialement, les amateurs de MMA l'aiment. Alors, dans des combats comme qu'on l'a vu là, pourquoi pas? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de challenge là, mais pourquoi pas? Si le gars veut se combattre, j'ai rien contre ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est sûr que c'était pas compétitif. Puis je pense que Sakuraba, dans sa tête, il sait qu'il sera pas compétitif au top niveau. Alors, c'est plus pour s'amuser, si on veut, là. J'ai peut-être pas le bon mot pour décrire la situation. Mais tant que ça se. Si on le met pas dans le ring encore avec Wanderlei Silva, ben j'ai pas trop de problèmes à revoir Sakuraba, là. Ouais, il a bien fait. Il a lancé des coups de pied quand même, assez percutants. C'était un. Sakuraba a bien fait, mais évidemment, là, il affrontait quelqu'un qui n'était pas un combattant de MMA, qui a une bonne expérience en boxe quand même, qui a une fiche respectable, qui n'était pas sur une belle lancée, là, qui avait comme 6 victoires, puis un combat nul dans ses 7 derniers combats, quelque chose comme ça. Là. Pas nécessairement un gars de. Qui était dangereux pour Sakuraba, mais une victoire pour Sakuraba, puis bon, j'espère qu'il va mettre un terme sur sa carrière avec une victoire. Est-ce que c'est celle-là? Probablement pas, mais espérons qu'il va pas essayer d'aller chercher un autre combattant là solide, puis qu'il se fasse sacrer une volée, puis qu'il puisse jamais s'en relever. Ouais, surtout se tenir loin des gros strikers, parce qu'il y a eu beaucoup de... Souvent, il s'est fait... Miko, et il a reçu beaucoup de dommages, genre, qui reste loin des strikers de renommée, surtout, je dirais. Joachim Hansen affrontait Shinya Aoki. C'était le combat, je pense, qui m'intéressait le plus lors de cette soirée. Et là, les deux se sont affrontés deux fois dans le passé, une victoire de chaque côté. Aoki avait réussi un gogo plata, une soumission sur Joachim Hansen, alors qu'Hansen avait réussi une victoire percutante face à Aoki dans leur dernier affrontement. Et là, cette fois-ci, on se donnait rendez-vous pour un troisième et peut-être décisive rencontre entre les deux. Et c'est le Japonais qui va chercher la victoire, clé de bras, au deuxième engagement, 4 minutes 56. Et il devient le nouveau champion de la catégorie des 160 ou 155 livres du Dream. Ouais, je suis pas sûr c'est quoi la limite des poids légers pour Dream, mais ça a été un bon combat, un peu, si on veut, au sol. Beaucoup d'action au sol. Aoki, il me semble que c'était au second round qu'il a mangé son coup en dessous de la ceinture, puis que l'arbitre lui a donné quelques minutes de repos. Après ça, une fois le combat reparti, ça a retourné au sol. Alors, Aoki a contrôlé l'action, puis il a réussi à soumettre Hansen, qui avait de l'air très confortable quand même, il se défendait bien au sol. Contre ouais, a même tenté une clé de bras du côté d'Hansen. Ouais, exactement. Il se défendait très bien contre un gars qui est supposément très supérieur à lui, là, si on veut, sur papier. Alors, Hansen s'en est bien sorti, malheureusement. Aoki a trouvé la faille, puis il a réussi à mettre la clé de bras qui a fait qu'il a tapé, là. Oui, exécuté de belle façon. Victoire de Shinya Aoki, qui va chercher une 13e soumission parmi ses 22 victoires maintenant. Et dans le cas de Joachim Hansen, bien lui, c'est une 8e défaite. Il a déjà 19 victoires, âgé de 30 ans seulement. Le Norvégien, quand même, je pense, a eu sa part de blessures au courant de l'année 2009. Je Espérons pour lui qu'il puisse avoir la santé de son côté pour la prochaine année. Finalement, on vous a parlé de Bibiano Fernandez et parlons-en de cette finale de la catégorie Featherweight entre Hiroyuki Takaya face au Brésilien Bibiano Fernandez. C'est Fernandez qui l'emporte par décision partagée. Ce combat-là, par contre, je ne l'ai pas vu, mais Fernandez, avec cette victoire-là, il devient le premier champion de la catégorie pour le Dream. Ouais, ben Fernandez a été impressionnant quand même tout au long du tournoi. Alors, ça va lui donner un peu de renommée. Et c'est bon, c'est comme ça qu'on se bâtit un nom dans le milieu, c'est en gagnant des tournois puis des gros combats. Alors, on va le voir contre des plus gros noms de plus en plus. Ça va être intéressant. Si on revient juste 2 secondes, peut-être sur Aoki, après son combat, il a parlé un peu des poids légers de l'UFC. Puis il disait que, selon lui, au début, il disait que, selon lui, dans l'UFC, les poids légers n'étaient pas meilleurs qu'au Japon. Et après ça, il s'est retracté un peu et il a dit qu'il aimerait ça combattre contre BJ Penn et Kenny Florian. Alors, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses, Aoki? Il pourrait-tu tenir le coup contre les tops? Oh, ben ok, je l'aime beaucoup. Au sol, là, très impressionnant, là, mais face à BG Penn, ça serait pas facile, ça c'est évident. Face à Kenny Florian, moi je vais le dire tout de suite, là, Kenny, c'est pas mon préféré, il a l'air d'un garçon super sympathique, et d'un gars brillant, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais 155 livres, d'après moi, Aoki est capable de combattre face à des gars comme Kenny Florian. Il a sa place dans la UFC, ça c'est certain. Est-ce qu'il est meilleur que BJ Penn? Ça, on a des doutes, là, mais tout est possible. Et ce qui est sûr, c'est que ce serait un combat, je pense, très intéressant. Puis dans les 155 livres au UFC, on a d'excellents combattants, mais ils sont pratiquement tous pareils. Je pense que c'est le gros problème. Un gars comme Shinya Aoki, un style différent, peut-être qu'il pourrait pas porter ses culotte longue, un peu métrosexuelle, ambiguë, très bizarre, mais il ramènerait d'autres choses. Je pense que le UFC en bénéficierait, quelque chose de différent, puis style au sol également, très solide, et debout, bon, il est pas nécessairement très bon, mais se débrouille bien. Ce serait vraiment intéressant. Moi, Aoki, c'est peut-être le japonais que j'aimerais le plus voir dans le UFC à l'heure actuelle. Ben, moi, je pense que tout court, Aoki pourrait être un des combattants. Si on oublie Fedor, bien sûr, là, parce que Fedor il est dans une classe à part, qui pourrait générer le plus de buzz, si on veut, générer d'excitement avec sa venue dans l'UFC. Parce que justement, il apporte un nouveau style complètement. Alors, il pourrait. Moi, je suis sûr qu'il pourrait être dans les top 5, top 10 pour sûr. Et moi, je l'ai souvent dit, je suis un très grand amateur de BJ Penn, mais j'ai pas de problème à voir Aoki supérieur à Florian dans ma tête, moi non plus, ou même à un Sean Sherk qui a perdu contre Frankie Edgar. Alors, non, Aoki a sa place pour sûr. Malheureusement, je pense que tout ça, c'est beaucoup juste du blabla, parce que Aoki, son contrat est fini, je pense, d'après ce que je comprends, mais il y a beaucoup de liens avec Dream. Alors, ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup qu'on le voit dans l'UFC. Puis, si jamais on était pour le voir en Amérique, ça serait sûrement pour Strike Force, qui a une genre d'entente avec Dream pour partager des combattants, si on veut. Des fois, des combattants sous les ordres de Strike Force vont aller combattre pour Dream. C'est récent. Il y a un mois environ, il avait signé une entente du genre. Alors, si jamais Aoki était pour venir en Amérique, selon moi, ça serait plus pour Strike Force qu'on risquerait de le voir. Mais malheureusement, dans cette promotion-là, il y a un manque de poids léger pour offrir des combats vraiment intéressants. Il y a Melendez puis Josh Thompson, mais à part de ça, ouais. Et même Melendez ou Josh Thompson, ça a vraiment pas l'attrait commercial qu'un BJ Penn, Diego Sanchez, Sean Sherk ou Kenny Florian auraient à comparer, là. Oui, mais je pense que relativement bientôt, le UFC va déplier beaucoup d'argent pour aller chercher des Japonais parce que j'ai l'impression qu'on va réattaquer le marché japonais dans les prochaines années. C'est pour ça qu'on a tâté le terrain, puis je pense qu'on a gardé des bons liens avec Satoshi Ishii, entre autres, médaillé d'or en judo qui va entamer une carrière en MMA là à la fin de 2009. Et un gars comme Aoki qui est pas très âgé, milieu vingtaine, UFC en a peut-être besoin si on veut réattaquer le marché japonais. Ça nous prend des noms japonais intéressants. Il y a quelques mois, on est allé rechercher Kaol Uno, qui a débuté son retour dans l'UFC par une défaite, mais un combat quand même où il avait bien fait, là. Il avait perdu la décision, mais il avait pas mal fait. Alors, un gars comme Shinya Aoki, je pense que ça pourrait grandement aider les UFC si on veut aller reconquérir le marché nippon. Oui, ça serait vraiment ça serait un excellent coup pour eux. Moi, j'ai encore mes doutes. Je pense que Dana White, dans toute l'histoire de Pride, a fait beaucoup de mal à sa réputation au Japon. Alors, on va voir s'il va vraiment réussir à conquérir le cœur des Japonais, si on veut, là, d'un point de vue MMA. Alors, Bibiano Fernandez, le nouveau champion de l'organisation Dream dans la catégorie des 139 livres. Je vois ça devant moi là présentement. Shinya Aoki qui est maintenant le nouveau champion dans la catégorie des 155 livres et moins. Marius Zamomskis, lui qui est depuis le 20 juillet le champion dans la catégorie des 169 livres. Alors que le titre des 185 livres est encore vacant, alors il y aura un tournoi pour trouver ce champion-là prochainement et on a bien hâte de voir qui sera le champion Super Hulk. Ce sera la fin d'année 2009 ça aussi pour savoir qui sera le champion. Déjà le 25 octobre, il y a un autre événement qui s'en vient du côté du Dream, leur 12e événement. Eddie Alvarez devrait y être face à Katsunori Kikuno. Chase Baby également, lui qu'on a vu, je pense, Chase Baby. WSC, ouais. Il a fait un tour dans la WSC. Ouais, c'est ça. Face à Yoshiro Maeda, il y a d'autres rumeurs ici et là, mais le gros événement, évidemment, ce sera le 31 décembre, où il y aura un mélange de K1 et de MMA, à laquelle vous allez pouvoir voir Ikuiza Minowa disputer la finale du tournoi Super Hulk face à Sokoju. Et Shinya Aoki va être là pour affronter Tatsuya Kawajiri. Et évidemment, la carte là, va être bonifiée. On va vous en parler au cours des prochaines semaines d'un événement qui va être très intéressant. J'en suis persuadé. Ça l'est à peu près toujours. Les rendez-vous là, annuels au Japon sont très excitants. Et de l'autre côté, l'autre organisation importante, Sangoku, organise un combat final entre Hideko Yoshida face à Satoshi Ishii. Deux anciens champions olympiques en judo vont s'affronter. Le jeune loup Satoshi Ishii face au vétéran Yoshida. Ça va être intéressant. Je pense que ça va être la passation des pouvoirs. Et Satoshi Ishii, s'il y a beaucoup de succès dans 2, 3 ans, on va le voir dans le UFC, j'en suis convaincu. Oui, moi j'aime beaucoup les galas qu'on nous offre au Japon. C'est une valeur qui ça a descendu un peu, si on veut, l'ampleur du spectacle comparé aux années de Pride FC. Mais Dream offre un très très beau spectacle à chaque fois. Alors le prochain gala devrait être très bon aussi. Oui, c'est bien fait, c'est différent des événements américains. Et ça fait changement, c'est intéressant. Puis c'est des règles parfois un peu également différentes. Ça rajoute quelque chose. Moi, j'aime bien les organisations japonaises. Puis j'aime beaucoup la foule japonaise, je trouve. Exactement. Respectueux du spectacle. Et dans les vieux Pride FC que je regarde encore des fois, moi ce qui m'impressionne, c'est les arénas puis les stades qui prennent pour faire ça. C'est géant comparé. Il y a déjà eu des combats, il me semble, à 80 000 personnes, là. 90 000, je Ouais, pense, le exactement. 1 dynamite, là, le 31 décembre. Mais par contre, ça a beaucoup régressé Non, depuis. c'est ça. Mais il offre encore le beau côté spectacle, si on veut, là, dans le Oui, pré-combat. les entrées, d'ailleurs, les Il y a des Japonais petits sont montages vidéo, même si je parle pas japonais, je les aime bien, les différents montages qu'ils font avec Shinya Aoki et Joaquin Amsin qui avaient fait, et en samouraï, tout ça, c'était bien fait, je trouvais. Oui, tout à fait d'accord. Bon, pour compléter le bloc, je vous fais part des résultats de l'événement Warrior One qui s'est tenu hier soir également. Donc, on parle du 10 octobre à l'aréna Robert Gertin à Gatineau. une carte qui ressemblait à quelques noms intéressants que vous connaissez ou que vous devriez connaître. Parlons, pour commencer, du combat final qui opposait le Canadien Carlos Newton face à l'Américain Shawny Carter. Eh bien, c'est Newton qui l'emporte par décision unanime. 29-28, c'est la décision de chacun des juges. Alors, Carlos Newton qui va chercher une deuxième victoire consécutive depuis son retour. Belle performance pour lui. Maintenant, une fiche de 15 victoires contre 13 défaites. Et dans le cas de Shawny Carter, encaisse une 20e défaite. Lui qui a quand même une fiche de 48-27-1 maintenant. Vétéran qui est Shawny Carter. Alors, une victoire de Carlos Newton. Est-ce que on va revoir Carlos Newton dans une organisation prestigieuse? Peut-être, s'il continue peut-être sur cette lancée-là. Parce que Newton, ça fait très longtemps qu'il combat. Son premier combat professionnel remonte à 96, mais il est encore tout jeune. Là. Il a peut-être 33, je pense qu'il a moins de 35 ans, Carlos Newton. Il a encore quelques années devant lui. Et semble avoir toujours eu un bon conditionnement physique, un bon physique encore. C'est pas le gars qui est plus en shape. Alors, voyons voir si Carlos Newton, on va pouvoir le revoir dans une organisation un peu plus prestigieuse. Mais pour l'instant, je pense que c'est les gens de l'Ontario et de Gatineau qui ont le plaisir de voir Carlos Newton en action pour l'organisation Warrior One. Par la suite, d'autres combats que je vais vous mentionner un peu plus rapidement. Adrian Woolley, qui a combattu pour TKO à quelques reprises, affrontait Rémi Morvan, et c'est Woolley qui l'emporte. C'était le combat pour désigner le champion de la catégorie des 155 livres, je pense, ou 145 livres plus tôt. Et Woolley est allé chercher la victoire. Il a remporté les 5 rondes. Alors, 50-45, deux juges lui décernent cette carte-là. Et l'autre juge, 50-44, tous en faveur d'Adrian Woolley. Rapidement pour vous dire que Mike Hung a perdu une décision unanime face à Tom Waters. Bruno Osier ou Osier Bruno, vous le prenez dans le sens que vous le voulez. Celui-là qui est originaire de la France, je pense. En tous les cas, il a deux victoires assez expéditives les deux par KO au premier engagement. Eh bien, il continue sur sa lancée. Victoire également par arrêt de l'arbitre au premier engagement à 3 minutes 20 face à un gars que je ne connais absolument pas qui s'appelle Aaron Dupuis. D'ailleurs, c'était un Marc Ferland qui était supposé affronter, mais ça a été changé pour Aaron Dupuis. En tous les cas, une troisième victoire dans le cas de Osier Bruno. Nabil Khatib va chercher une victoire par guillotine face à Chris Morano. Jeff Harrison, un expert au sol, eh bien là, un expert debout plutôt en kickboxing, Jeff Harrison, affronte Mitch Gagnon, mais Gagnon l'emporte par étranglement arrière à la fin du premier engagement. Dans le cas de Mitch Gagnon, c'est une quatrième victoire. John Fraser affrontait Tommy Parizeau. Fraser l'emporte par étranglement arrière. Et le frère de Tommy Parizeau, Nicolas Parizeau, était également de la carte. Il a également perdu par clé de bras face à Xavier Desroches. Alors que, je pense, deux frères Parizeau étaient de la carte. Il manquait plus que Dave Parizeau. Lui n'y était pas. Alors, c'est ça pour le Warrior One qui s'est tenu le 10 octobre à l'Arena à Robert Gartin à Gatineau. Je pense qu'on est dû pour une petite gorgée d'un petit breuvage. De quel liquide on va s'abreuver? On vous en parle pas. On a du choix en masse. Peut-être ce matin, j'irais peut-être un jus d'orange extra pulpe. Voyons voir. Et on revient par la suite pour un bloc nouvelle chargé ou pas. On verra bien. Ah, le petit jus est pris, le gorgé dans le cas de l'homme nouvelle également. On s'est pas étouffé et on est prêt à repartir pour continuer cette émission avec The Ultimate Fighter, effectivement. Oui, c'était la quatrième épisode, si je ne m'abuse. La semaine passée, le pauvre Kimbo Slice s'est fait renvoyer chez lui parce qu'il s'est fait infliger une correction par Roy le Bedonna Nelson. C'est bien ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Fred, j'ai rien suivi. Peut-être que certains de nos auditeurs n'ont pas suivi non plus. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Kimbo est déjà revenu? Non, ben Kimbo, pour le moment, est juste là encore avec l'équipe d'entraînement. Il n'est pas le seul non plus, je pense, parmi ceux qui ont perdu, qui est encore là. Techniquement, il est éliminé, si on veut, de la compétition, mais là, l'équipe à Rampage a diminué de pas mal vite, parce que tous les combats ont été perdus pour l'équipe Rampage. Alors, Kimbo est encore là, et je pense qu'on s'est servi un peu de son nom pour générer de l'attention, parce que justement, on faisait des annonces nous laissant l'idée que peut-être il reviendrait, mais en gros, ce qu'on a appris, c'est que dans le cas d'une blessure, il y aurait la possibilité qu'il pourrait revenir si quelqu'un dans son équipe se blesse. Mais dans le cas de Marcus Jones, c'était rien de majeur, c'était juste comme une genre de crise d'angoisse, mais je l'ai entendu en entrevue à MMA Live sur ESPN, et il disait que c'était parce qu'il avait trop bu de liquide qu'il s'était mis à suer de la sorte. Alors, c'est ça, Kimbo, je pense pas qu'il va revenir pour le moment. À la fin de cette émission-là, on nous a encore donné l'impression qu'il y avait un gars, peut-être de l'équipe Rampage, qui aurait des problèmes, puis ça pourrait peut-être présager le retour de Kimbo, mais moi, j'en reviens à dire que je pense qu'on sert de son nom pour générer de l'attention. Et aussi, quand il y a eu l'annonce que Mark Coleman était blessé, je suis pas sûr que si c'est si officiel que ça, mais il semblerait que Kimbo aurait lancé un défi d'affronter Tito Ortiz. Alors, si Kimbo a lancé un défi à Tito Ortiz, c'est à quelque part qu'il sait que il sera pas de la finale, qui est le 5 ou le 12 décembre prochain. Alors, comme je dis, je pense pas qu'on va revoir Kimbo plus que juste à l'entraînement puis faire partie, si on veut, du script, là. Oh, d'après moi, les gens du UFC au 7e étage sont un peu plus créatifs que tu penses, mais on va trouver une entourloupette. On va le revoir en action, ça, moi, j'ai pas vraiment de doute. Et pour ce qui est de si Kimbo a vraiment défié Tito Ortiz, là, d'après moi, Tito a autre chose à faire qu'affronter Kimbo Slice. Là, Kimbo Slice, oui, il a une notoriété, oui, il est connu, mais il a battu qui, là? Tito Ortiz, on peut ne pas l'aimer, là, comme à peu près beaucoup de monde, mais quand même, c'est un ancien champion. Il y a un gars d'expérience qui en a affronté des gars beaucoup plus talentueux que Kimbo Slice. Tito aurait rien à gagner en affrontant Kimbo Slice. Alors, Kimbo, là, prend du galon et c'est ça. Oui, ben on va en reparler un peu plus tard de Ortiz et de toute sa situation, mais moi, je pense que Ortiz, en acceptant le combat contre Forrest Griffin, là, c'est un méchant. Le niveau de compétition, il vient de prendre un boost. Là. Forrest Griffin, selon moi, est beaucoup supérieur et différent, surtout que Mark Coleman comme combattant. Alors, Ortiz, pour moi, dans ce combat-là, Ortiz pourrait mal paraître si on considère que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas combattu, qu'il a eu une opération majeure au dos. Forrest Griffin, même s'il a perdu ses deux derniers combats, c'est un bon combattant qui s'entraîne avec une bonne équipe. Et c'est ça. Ortiz, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça, là, mais moi, j'ai été surpris qu'on donne un Forrest Griffin tout de suite à Tito Ortiz. Je me serais plus attendu, justement, à quelqu'un d'un niveau plus bas. Les deux se sont quand même déjà affrontés, puis Ortiz avait été chercher une décision très, très, très, très, très, très partagée, là. C'était très serré. Ça remonte en 2006. Puis Griffin, bon, est sur deux défaites, puis la dernière, là, c'est le genre de défaite qui fait très mal à l'estime, là, en tout cas. Ouais, mais la manière dont il est parti, là. Ouais, mais il est bizarre un peu, Griffin, tout court, je me rends compte. Et je ne sais pas si ça l'affecte vraiment. Et pour le premier combat contre Ortiz, Forrest Griffin n'est pas le même combattant, je pense. Et Si on prend les deux, selon moi, Forrest Griffin est meilleur qu'à cette époque-là, et Tito Ortiz est peut-être plus bas qu'à cette époque-là, justement, avec les opérations, le manque d'action et tout. Alors, c'est un combat que, d'après moi, Ortiz va être défavorisé. C'est sûr qu'il y a toujours beaucoup d'amateurs, Tito Ortiz. Alors, on verra bien sur mon jeu de paris virtuel. Ça va être intéressant à voir comment que le monde va engager là-dessus. Oui, et moi je pense que Tito Ortiz va revenir en bonne forme. Là. Il a eu le temps de bien soigner son dos. Il aurait pu signer pour Affliction à l'époque ou Strike Force, mais il a pas précipité les choses. Il a attendu, je pense, que tout ça guérisse. Puis là, il semble être à l'entraînement de belle manière. D'après moi, on va revoir un Tito Ortiz, un bon combattant. Il est pas très très âgé, Ortiz. Il a à peu près la même âge que Forrest Griffin. Je pense peut-être de 2 ans ou 3 ans de plus. En bonne forme, bon lutteur, debout. Je me semble que Ortiz, là, dans les dernières années, s'est grandement amélioré, sa boxe, entre autres. Avec Freddie Roach, il s'entraîne aussi la boxe maintenant. Bon, puis Freddie Roach, qui est quand même l'entraîneur de plusieurs Philippins, dont un des meilleurs livres pour livre, là, Manny Pacquiao. Alors, c'est pas rien dire, là. Alors, ça peut être intéressant. Puis Ortiz et Griffin ont déjà affronté dans le passé, je me souviens, le Rashad Evans. Et il faut dire qu'Ortiz avait presque vaincu Evans. On avait donné un combat nul, on avait enlevé un point à Ortiz parce qu'il s'était agrippé à la cage, mais Griffin a été défait face à Rashad Evans, un TKO assez fulgureux au troisième engagement, là. Alors qu'Evans avait réussi à l'amener au sol, puis à un grand coup de poing, mais ça s'était fait terminer là pour Griffin. Alors, puis Griffin revient sur 2 défaites, puis j'ai l'impression, moi, Griffin, l'une de ses qualités, c'est que c'était un gars très combatif, un bon cardio, puis il encaissait bien les coups. Mais là, face à Evans, on l'a vu, il a été assommé. Et face à Anderson Silva, un KO très louche quand même. Là, un coup de poing, mais pas nécessairement très puissant. Griffin est tombé là. Est-ce que ça lui tente encore autant qu'avant de recevoir des coups? J'ai des doutes là-dessus. J'ai hâte d'avoir le retour, mais moi, au moment où on se parle, je donne l'avantage à Tito Ortiz. Bon, c'est intéressant ce que tu dis à propos de Griffin. Ben, c'est vrai qu'il était reconnu pour un gars qui était capable de prendre des dommages, puis récemment, il est tombé assez facilement. Moi, ce qui me fait peur pour Tito, puis n'importe qui a une blessure majeure, c'est que c'est la question du timing et tout. Je sais pas si c'est ça qui me fait le plus peur. Moi, je pense que Forrest Griffin est un opposant là avec de très très bonnes qualités pour faire un retour après tellement longtemps d'inactivité. Alors c'est juste ça que c'est pour ça que je donne plus l'avantage à Griffin dans ce combat-là. Alors on a bien hâte de voir l'affrontement. J'ai même pas regardé. L'affrontement, c'est pour quand? C'est l'UFC 106, c'est le même gala que Brock Lesnar et Shane Carwin. Alors ça va vraiment être une excellente carte de combat. Dans le cas de Mark Coleman, c'est une blessure sévère au genou là, qui l'empêche de combattre. Et là, il faut qu'on parle de toute cette histoire entourant le désistement de Mark Coleman suite à cette blessure-là. Puis là, vous connaissez Tito Ortiz, une grande gueule. Puis là, rapidement, bien, est allé dire à tout le monde que Coleman est parti parce qu'il avait peur de lui. Puis on comprendra que Mark Coleman en a vu quand même des gars solides. Il a affronté 2 fois Fedor Emelianenko. Alors, on n'a pas l'impression qu'il avait peur de personne. Mais du côté du clan de Mark Coleman, on sait, il y a un petit câble là, dans le cerveau qui est très lousse. Puis ça part n'importe quand, ça, à n'importe quelle direction. On pète des coches assez rapidement. Du côté de Coleman, on a vu ça. On a vu ça du côté de Kevin Randleman également. Wes Sims, Phil Baroni, tu sais, des gars, ça prend des pas grand chose. Des gars avec un physique extrêmement développé. Oui, très bon. Oui, c'est ça. On a des bons shakes de protéines. Ouais, ça peut jouer peut-être avec les niveaux chimiques au cerveau, peut-être. Peut-être d'autres substances, effectivement, là, c'est un bon point. Mais est-ce que l'agent de Mark Coleman également emploie ce genre de produit? Parce que lui aussi, là, il a réagi peut-être avec un peu trop de virulence. Oui, c'était vraiment pas correct et on répétera pas à nouveau les mots qu'il a dit, mais il a dénigré la femme à Tito Ortiz, qui est l'ancienne actrice porno Jenna Jameson. Moi, personnellement, là, quand je regarde les mots de Tito Ortiz au début, c'était pas rien de si majeur que ça. Il a traité Coleman de peureux et Coleman, le gérant de Coleman aurait dû réagir peut-être avec un peu plus de de retenue, si on veut, de diplomatie. Là, il aurait pu répondre quelque chose, mais pas aller aussi personnel que ça. C'était vraiment un coup assez personnel. Alors, ce que ça présage, c'est que Coleman et Tito Ortiz vont s'affronter à un moment donné, puis ça risque de donner une promotion de combat extrêmement intéressante. Oui, mais je trouve ça dommage. Moi, j'ai aucun problème à ce que les gars, pour mettre un peu, épicer un peu les combats, puis donner, monter les combats, là, j'ai pas de problème à ce qu'on fasse semblant qu'on s'aime pas. Puis des fois, on s'aime pas pour vrai, puis qu'on y aille de déclarations, là, fulgureuses comme ça. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Puis je pense, attaquer la famille d'un adversaire, là, ça pas lieu d'avoir. Puis tu parlais tout à l'heure peut-être d'infliger une sanction à Sokoju pour avoir continué à vouloir frapper un adversaire après le combat. Puis moi, ce genre de déclaration-là, je pense que ça pourrait éventuellement également qu'on pourrait essayer de punir ces gens qui vont avec des déclarations comme ça, parce que ça salit le sport, je trouve. Je me souviens de Mike Tyson dans le passé qui disait à ses adversaires qu'il allait tuer sa femme puis manger ses enfants. À un moment donné, là, on va se calmer, là. On n'est pas dans la WWE. C'est pas un spectacle, c'est du vrai sport. Puis ça, je trouve qu'on va beaucoup trop loin avec ce genre de déclaration-là qui me semble que ça sert à rien. Regarde, dans le cas de Tyson, là, c'est déplaisant parce que c'est pas, si on veut, une menace, mais les mots sont une menace. Dans le cas de Ortiz Coleman, c'est un manque de classe, mais je voudrais vraiment pas de sanctions. Je suis un grand fan de MMA parce que justement, c'est différent que la majorité des sports. Malheureusement, je suis pas toujours en accord avec ce que je vois, mais je suis pas un gars qui est pour le politiquement correct plus que ça. Alors, je suis vraiment pas d'accord avec ce que le gérant Coleman a dit. Mais techniquement, il a pas fait de menaces, il a pas fait de crime. Alors, pour moi, là, la société, faut arrêter de dire aux autres quoi dire. Puis le gérant de Coleman, c'est un cave. Il a pas d'autre mot à dire, là. Il avait pas d'affaire à réagir de même. Puis je pense que la majorité des amateurs sont assez intelligents pour se faire leur opinion de lui. Mais en même temps, c'est ça, je suis pas un gars à censure, pas en tout. Alors non, moi, je suis vraiment pas pour une sanction dans ce cas-là. Ah, oh, ben, on peut pas toujours être d'accord. Et moi, non, je trouve que c'est vraiment déplorable. Puis je comprends qu'on peut... je suis pas nécessairement celui qui veut également censurer tout. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Puis je trouve que de s'attaquer à une personne qui fait pas partie du sport nécessairement, là, je comprends pas cette allusion de ce monsieur-là. Puis là, quand je parle de sanctions, là, je dis c'est quelque chose de sévère, mais une petite amende, quelque chose, juste pour essayer d'allumer tout le monde que le UFC ne va pas accepter qu'on devienne une espèce de cirque comme ça. Oui, on veut monter des combats. Oui, on veut que ça soit bien monté, des histoires, tout ça. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Oui, mais ça, c'est malheureux que ceux qui vont se servir d'une situation comme ça pour dénigrer le UFC. Ben justement, tu l'as très bien dit, une sanction dans l'UFC, je veux dire, le milieu de la musique, là, c'est pas beaucoup mieux qu'est-ce que c'est qui peut se dire là-dedans, là. Et on n'a pas de sanction là-dessus. Alors, le monde qui va se servir de situations comme ça pour dénigrer l'UFC, ben, je m'excuse, ça n'a pas beaucoup de valeur, leur argument. Ben, c'est pas une question de combat ultime. Alors, je fais pas la promotion aucunement de ce qui s'est fait dire, mais je suis pas pour une censure et surtout pas pour qu'on dise après ça que certains anti-UFC vont dire oh ben regardez ça c'est comme ça que le monde de l'UFC agisse. Ben c'est pas vrai, c'est pas une affaire de sport, c'est un phénomène de société malheureusement qu'il y a beaucoup de monde qui parle comme ça. Et c'est ça, je suis au milieu là-dessus, je suis pas pour non plus la censure. Alors je suis au milieu sur cette histoire là. Ben c'est parfait, on n'a pas de chicane, on n'est pas toujours d'accord. Ben non, c'est ça. Pas de problème. Non, mais de toutes les manières, là, je dis pas qu'il faut qu'on lui arrache la tête. Là. Une petite claque sur les doigts, peut-être une petite claque sur les fesses, puis c'est tout. Mais il y a de pas la, plus. De la part de Jaina Jameson. Et pourquoi pas? Alors, il y a quelques combattants qui ont été coupés dans le UFC, mon cher Fred Garcia. Et tout à l'heure, on parlait peut-être qu'il y aurait des combattants à 155 livres dans la WEC qui seraient susceptibles à monter de catégorie, à monter dans le UFC. Et pourquoi pas, puisque quelques combattants à 155 livres dans le UFC, lesquels qu'on leur a dit, on va se passer de vos services. Il s'agit de Hermes Franca, notamment 19 victoires et 8 défaites tout au long de sa carrière. Mais là, il vient de subir la défaite face à Tyson Griffin. L'athlète est un vétéran, là, Hermes Franca, mi-trentaine à peu près, qui est un bon gars, un gars relativement bon au sol. Mais là, dans ses 5 derniers combats, a eu 3 défaites face à Sean Sherk, Frankie Edgar et maintenant Tyson Griffin. Alors, on n'a plus besoin de lui. On a des jeunes loups peut-être un peu plus affamés et plus talentueux dans le UFC. Alors, MS Franca, c'est bye-bye. Marcus Aurelio, c'est bye-bye également. Lui qui a une fiche de 2 et 4 dans le UFC. Alors, le Brésilien de 36 ans qui a une fiche totale en carrière de 18 et 8 et qui est connu surtout pour avoir déjà défait le japonais, là, Gomi, Takanegori Gomi, là, qui a longtemps été surestimé, là, en tout cas d'après moi, au Japon. Était champion et à 155 livres ou à peu près là, mais Aurelio l'avait déjà défait. Après ça, Gomi, je pense, avait pris sa revanche. Mais en tous les cas, Aurelio, lui aussi, il sera plus dans le UFC. Chris Wilson à 170 livres également, et sur 2 défaites face à John Howard et Mike Pyle, une fiche de 14 et 6. Bye-bye pour Chris Wilson. Justin McCauley, un partenaire d'entraînement de Tito Ortiz, entre autres. Bien lui, 9-5 et 2, c'est bye-bye également. C'est un poids lourd qui est très, très moyen. Alors, on s'est débarrassé de lui également. Il y a un combattant qu'on a signé. Il s'agit de Michael Gaiman, que je ne connais pas, qui aurait signé apparemment pour un contrat de 4 combats. C'est un Américain de 35 ans et qui est l'ancien champion de l'organisation KOTC. Une fiche de 11 victoires, 2 défaites et un combat nul. Je regarde ses victoires, c'est pas des noms que je connais nécessairement, mais sur une lancée de 5 victoires consécutives, ça va bien. Il a perdu une décision partagée face à Pat Healy, c'était en 2007. Ça, c'est sa dernière défaite. Et son autre défaite, il l'a subie en 2003 face à Diego Sanchez par clé de bras à 4 minutes 57 du premier engagement. Ouais, ben, il n'y a pas beaucoup de noms importants qui sont partis, selon moi. Et c'est devenu pas mal tradition, là, depuis plusieurs mois, qu'après chaque gala, l'UFC procède à quelques coupures. Alors, ça va être intéressant de voir à l'UFC 104. Je vois pas vraiment de nom en danger, là. Il y a toujours des noms inconnus que s'ils performent pas, ils risquent justement de perdre leur emploi. Alors, les gars, ils sont mieux de s'activer, parce que justement, à chaque gala, il y en a au moins 3 ou 4 qui reçoivent leur papier de bye-bye. Effectivement, mon ami. Fred, qu'est-ce que tu dirais si on irait tout de suite avec le bloc MMA nouvelle, on parlait du sondage du Temple de la Renommée, puis on finirait l'émission avec la présentation de la carte, de quelques cartes de combat, dont la MFL puis l'Ultimate Glory. Ouais, pas de problème, ça va être parfait Alors, comme ça. sondage, parlons de sondage. Grâce à mmnouvelle.com, on va vous parler de sondage qui a été fait sur le site mmnouvelle.com, puis par la suite, on va vous parler de notre projet à laquelle on va vous demander votre aide pour construire un temple de la renommée. Alors parlons-en de sondages. Il y a eu quelques sondages, comme c'est le cas. Fred Garça, très assidu là-dessus, puis on vous propose tout le temps des sondages intéressants. Et lequel sondage qui a eu lieu là au cours de la semaine qui peut nous intéresser, Fred? Ben moi, j'aimerais ça qu'on parle peut-être de celui en ce moment que je demande quelle est la meilleure carte de combat, l'UFC 104 ou le Gala Strike Force? L'UFC 104 nous offre comme combat télévisé Lyoto Machida et Mauricio Rua pour le championnat des 205 livres. À part de ça, on va avoir Cain Velasquez contre Ben Rothwell, Gleison Tibau contre Josh Neer, Joe Stevenson contre Spencer Fisher, Anthony Johnson contre Yoshiyuki Yoshida. Tandis que Strikeforce, eux autres, vont nous offrir Brett Rogers contre Fedor Emelianenko, Jake Shields et Jason Miller pour le championnat à 185 livres, Fabricio Werdum contre Antonio Silva, et Jagar Musashi contre Thierry Ramos-Sokuju. Alors, les deux cartes de combat, je ne sais pas, moi, je tente à penser peut-être que la carte de Strike Force est plus intéressante, surtout avec le fait qu'elle coûte pas 49,99. Oui, ben, je suis d'accord avec toi, Fred. D'abord, parlons des deux combats principaux de chacune des cartes. Le Tomashida face à Mauricio Roy. Oui, je pense qu'on risque d'avoir la chance d'assister à un combat qui va être plus long et plus chaudement disputé que celui entre Fedor Emelianenko et Brett Rogers. J'ai pas de doute là-dessus. Alors, disons 1-0 pour le UFC. Es-tu d'accord? Oui, mais c'est serré. Mais oui, Machida Roy, c'est sûr que... Mais c'est parce que de la même façon, moi, je pense qu'on a donné à Roy la chance au championnat assez vite. Moi, j'ai pas été aussi impressionné que ça par des victoires contre Mark Coleman et Chuck Liddell. Mais oui, je dirais que ce combat-là est supérieur au combat Rogers et Emelianenko. Toutefois, quand même, il faut quand même le mentionner, il y a l'attrait Fyodor. Hein? C'est pas n'importe qui, c'est Fyodor. On le voit pas si souvent que ça. Quand on a la chance de le voir, on le manque pas. Heureusement, là, l'événement il a pas lieu en même temps. Mais l'attrait Fedor également, c'est quelque chose. Alors, en même temps, oui, Machida puis Roua, sur papier, va probablement nous donner droit à un combat plus disputé, parce que Rogers, on le connaît pas tant. Il y a 10 victoires, aucune défaite, si je ne m'abuse. Mais à part une ou deux victoires significatives, on n'a rien vu de lui, surtout rien vu au sol. Fedor, c'est pas le gars qui va s'obstiner. C'est pas le gars qui va essayer de prouver qu'il est supérieur à Rogers debout. Il va l'amener au sol. Il va lui tordre quelque chose dans un sens où d'habitude ça va pas. Puis il va sûrement remporter le combat comme ça assez rapidement. Mais il a toujours l'effet la masse de Rogers. C'est quand même un gros garçon. Puis s'il arrive à placer son poing dans le milieu de la figure à Fedor, ben là, ça se peut qu'on ait le droit à la surprise de l'année. Alors, effectivement, du deux côtés, quand même, on propose un combat principal qui va être intéressant. Exactement, puis je pense que pour les autres combats, je vais donner quasiment l'avantage à Strike Force. Le combat Velasquez-Rothwell est très intéressant, et Anthony oui. Johnson contre Yoshida aussi m'intéresse beaucoup, mais oui. Je vois Anthony Johnson sortir gagnant assez facilement, selon moi. Tandis que Jake Shields contre Jason Miller, ça risque d'être vraiment bon. Antonio Silva, je suis content, comme on en parlait un peu la semaine passée, je me suis aventuré à dire que Silva pourrait être un top. Alors, s'il veut être un top, faut qu'il batte Fabricio Werdum. Alors, ça va être intéressant pour moi, personnellement, de le voir à l'action. Et Musashi contre Sokuju aussi, c'est un excellent combat. Alors, les deux cartes sont assez, je dirais, côte à côte, mais le fait que celle de Strike Force est gratuite va peut-être donner l'avantage justement dans le sondage. Strike Force mène par 57% en recevant 57% des votes en ce moment. Oui, ben je suis un peu d'accord avec ça. Mais malgré que les deux vont être très intéressantes, puis je me passerai d'aucune de ces cartes-là. On va regarder ça, ça c'est certain. Du côté de Gleison Thibault face à Josh Neer, honnêtement. Neer, il donne du bon spectacle d'habitude, mais du côté de Gleison Thibault, là, ça m'excite pas beaucoup. Joe Stevenson face à Spencer Fisher, ça risque d'être bon également. Évidemment, si on parle du côté profondeur, parce que là, les autres combats, là, Strikeforce, on les connaît pas tous, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de combats qui sont, en tout cas sur papier, soient très moins intéressants. Du côté du UFC, bon, d'abord, on connaît les combattants beaucoup plus, et également, s'ils sont d'habitude beaucoup de profondeur dans ce que nous le UFC nous propose comme carte. Malheureusement, sur le pay-per-view, on n'a pas accès à toute la carte, là, mais quand même, au niveau de la profondeur, je pense que le UFC a un avantage très marqué. Mais pour ce qui est de la carte principale, ça s'équivaut, ça va être très intéressant. Jake Shields face à Jason Miller, je pense que certains vont avoir des surprises. Moi, je vois Miller l'emporter. Fabricio Werdum face à Antonio Silva. Écoutez, on en a parlé dans les semaines précédentes. On disait Strike Force dans les poids lourds, ils n'ont pas grand-chose. Mais là, commence à se greffer des noms intéressants. Du Werdum, Silva, Fedor, évidemment, Alistair Overeem. Écoutez, à un moment donné, ça va commencer à se bâtir une catégorie pas si pire. Ça va être intéressant. Oui, ça va être du beau produit. Tu parles d'Alistair Overeem, on va juste peut-être glisser un mot là, qui combat contre Tony Sylvester dans pas long, là, le 17 octobre, c'est-tu ça? Oui, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, OK, pour parfait. parler de la carte, mais effectivement, puis Overeem, c'est dommage, parce qu'il était supposé, je pense, à deux occasions, de combattre pour l'organisation Strike Force, mais une blessure à la main suite à une dispute dans un bar avec son frère l'a empêché de combattre. Lui qui est le champion de la catégorie là, dans l'organisation Strike Force, on a hâte de le revoir dans la grosse organisation, justement, étant donné qu'on a des noms maintenant intéressants dans les poids lourds, on va pouvoir avoir des confrontations très intéressantes avec Overeem. Quel sera le prochain combat? Est-ce qu'Overeem va affronter le gagnant Rogers Emelianenko? On suppose que oui. Moi, j'ai juste peur que ça soit un peu dans longtemps parce que Overeem a beaucoup d'obligations avec d'autres promotions, là. Alors, entre le K1 et Dream et j'ai oublié le nom de l'organisation qui va combattre, ça y fait beaucoup d'obligations. Alors, j'ai hâte qu'on le voit en Amérique, j'ai hâte qu'on le voit à TV dans des gros combats, mais malheureusement, avec tous les combats qu'il y a à venir, peut-être ça va prendre encore quelques mois avant qu'il puisse se libérer. Oui, puis on parle de la carte du Strike Force. Madame, la championne, là, Santos, Christian Santos, n'y Ouais. sera pas, une blessure malheureusement. Alors, il y aura quand même un combat entre femmes, peut-être Oui, une espèce de... Marlowe Konnen, qu'on dit beaucoup de bien de elle, c'est une Hollandaise, il me semble. Oui, c'est ça. Elle est très bonne en jiu-jitsu, je pense aussi. Je me rappelle quand il y avait eu le combat entre Chris Cyborg et Gina Carano, on en parlait déjà de Marlowe Konnen. Et j'avais vu quelques vidéos, c'était intéressant à voir sur Internet. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, pas beaucoup, là, mais je regarde le MMA féminin et je les considère d'excellentes athlètes. Alors, c'est l'évolution a continué et il va en avoir de plus en plus des Marlowe Konnen, des Chris Cyborg puis des Gina Carano à venir. Oui, puis dans le cas de Conan, elle devrait affronter Erin Tuffell. Et tu sais que Marlowe Conan était supposé affronter Christian Santos au Québec dans un des événements XMMA, mais bon, malheureusement, l'événement a eu lieu, mais pas le combat, là. Santos avait été signé par Strike Force, je pense, à l'époque. C'est pour ça que le combat n'avait pas eu lieu. Puis on avait prétexté qu'elle a été blessée également. Je sais pas si c'était vraiment une véritable blessure, mais en tout cas, le combat n'avait pas eu lieu. Mais Marlowe Konnen face à Christian Santos, à quelques mois là, près, là, on a failli voir ça ici au Québec pour l'organisation XMMA. Oui. Si on revient sur sur les sondages, cette semaine, on n'en a pas eu tellement, mais il y a eu un autre sondage où ce qu'on demandait savoir si un retour de Kimbo à l'Ultimate Fighter ferait perdre beaucoup de crédibilité à l'émission. Alors, les amateurs. Oups, j'ai pas le résultat devant moi, je l'ai perdu. Ah, Ah, ben, et t'es voilà, le surpris. résultat à 51%, les amateurs ont dit non, et que ça n'aurait pas fait perdre de la crédibilité qu'un retour de Kimbo. Alors, ça serait intéressant, toi, qu'est-ce que tu penses si Kimbo ferait un retour? Est-ce que l'émission perd un peu de crédibilité? Oh non, je pense pas. De toute manière, le UFC s'en cache pas là. Cette émission-là, c'est pour faire connaître davantage l'organisation, donner un spectacle également. Là, on sera pas d'accord là. C'est une émission de télé-réalité. Les combats sont pas truqués, ça, on est content. Puis évidemment, la moitié des noms, même les trois quarts des noms qui sont là, on s'en fout totalement. On a vu le premier ou deuxième combat là. Était lamentable. Les deux gars étaient vraiment, je trouve, pas dans une forme physique, là. On manquait de souffle après 30 secondes, là. C'était pas beau à voir. Kimbo, je pense, sa présence, on peut l'aimer ou pas, là, mais il a pas nui tant que ça au sport. Au contraire, il y a une nouvelle gamme d'amateurs de MMA qui se sont joints au MMA grâce à Kimbo Slice, puis son aventure avec Elite XC, puis sur CBS. Alors, il n'y a pas nu au sport tant que ça. Puis, je pense que les UFC seraient fous de se passer de la visibilité que Kimbo peut leur donner. Oui, t'as sûrement raison, surtout avec le fait que c'est si on veut des combats amateurs. Alors c'est pas des combats qui comptent sur leur fiche ou quoi que ce soit. Et comme tu dis, la notoriété de Kimbo, c'est vrai qu'elle est là parce que moi souvent je vais rencontrer du monde qui connaissent pas vraiment le MMA, mais ils vont connaître Kimbo C'est un nom qu'ils vont connaître. C'est souvent le nom qui va revenir dans ce cas-là. Je dirais même plus souvent quasiment qu'un Fedor Emelianenko. Le monde qui suivent pas le sport vont plus connaître Kimbo que Fedor. C'est malheureux, mais c'est un fait. Dans les éditions précédentes, on a eu quelques bonnes éditions avec des noms qui sont ressortis. Puis, je dois dire, j'ai pas vraiment suivi l'émission très très sérieusement, mais de ce que j'ai vu, il me semble qu'il n'y aura pas de nom intéressant qui va sortir de cette édition-ci. Roy Nelson, qui bon déjà au départ, moi, c'était à peu près le seul que je connaissais là, vraiment, puis qui avait un gars très implanté déjà dans le sport. Mais à part de ça, là, est-ce qu'il y a un Moi, nom, tu penses? Est-ce qu'il moi y je a un veux gars dire, qui le tourne? combat cette semaine entre D'Amico Rogers et Brandon Schwab a été très bon quand même. Et Brandon Schwab qui a gagné a été très impressionnant parce que je ne savais pas, il s'entraînait avec Greg Jackson. On a appris, il s'entraîne avec Rashad le connaît. Et c'est un ancien joueur de la NFL. Alors, parmi tous les anciens joueurs de la NFL, je dirais que c'est celui qui m'a le plus impressionné. Et je dirais que peut-être qu'il y a même un potentiel, Brandon Schwab, pour se rendre jusqu'en finale. Surtout avec le fait que maintenant, j'ai appris qu'il s'entraîne avec Greg Jackson. Alors, je le vois peut-être avancer. Ça sera peut-être jamais un champion. Mais le gars a beaucoup d'habileté physique. Et il semble avoir une bonne attitude et tout. Alors, ça va être intéressant. Je pense que ce qu'on retient le plus depuis la dernière semaine, c'est les deux entraîneurs. Où ce que Rashad Evans paraît beaucoup mieux que Quentin Rampage Jackson. L'équipe Rampage n'a pas encore gagné un seul combat. Et c'est plus que ça. Moi, là, je vais revenir quand Cheick Kongo a affronté Cain Velasquez. Et je vais pas faire plaisir à beaucoup de Français. Mais moi, à ce moment-là, j'avais écrit sur mon blog là, que je voyais une défaite de Cheick Kongo officielle parce que le Wolfstar Academy, là, il m'impressionne pas plus que ça d'un point de vue, surtout lutte. Et on dirait qu'il néglige cet aspect-là. Rampage a des beaux slams et tout, mais d'un point de vue lutte, contrôler l'action au sol, on dirait que les combattants du Wolfstar ont un peu de misère. Puis quand Velasquez avait Kongo avait pris le combat contre Velasquez tout de suite dans ma tête, c'est ça, je me disais, c'était pas un bon match-up pour lui. Et là, justement, on voit, il y a Tiki Gosh, puis j'ai oublié le nom de l'autre entraîneur qu'on voit avec Quentin. Il semble qu'il n'y a pas de plan. Il y a un manque de cohésion, il me semble, dans le clan, on voit. Oui, mais par contre là, à la défense de Cheick Kongo, il a pris le combat quand même, pas à la dernière minute là, mais à quelques semaines Mais d'échéance là, c'est justement, un combat qui était préparé. Puis bon, Kongo c'est un expert debout là, c'est un gars de Muay Thai. Et justement, c'est quelque chose que son équipe aurait dû prendre en considération parce que c'était un match-up terrible pour Kongo. Kongo était sur une bonne lancée, il avait remporté quelques combats et si on veut, il y avait un attrait commercial qui commençait à se bâtir. Puis là, quand il a accepté le combat contre Velasquez, moi tout de suite, je me suis dit, c'est le meilleur lutteur qu'il a jamais affronté et le combat va être au sol tout le long. Il a juste eu 4 semaines de préparation. Alors moi, tout de suite, j'ai vu ça comme une très mauvaise décision d'accepter, pour sa carrière à lui, d'accepter ce combat-là et surtout à 4 semaines seulement de préparation. Effectivement, peut-être une mauvaise décision, mais je trouve qu'il a tellement bien fait à Congo, il a tellement démontré qu'il avait du cœur, comme peu d'humains auraient pu subir une telle correction. Mais Congo, à chaque début d'engagement, a cru à ses chances, a tout donné. C'est vraiment là un exemple de courage, ce combat-là. Cheick Congo, pour moi, là, il a pas descendu dans mon estime. Au contraire, il a monté d'un cran ou de deux. J'ai hâte de le revoir en action face à Frank Mir, qui est peut-être meilleur au sol que Velasquez, mais qui est moins bon pour apporter son opposant au sol. Alors, peut-être que Kongo va avoir plus de succès. Puis là, il y aura eu toute la préparation nécessaire pour cet affrontement-là. J'ai hâte de revoir Cheick Kongo, qui, peut-être que tu as raison, là, si d'un plan stratégique, il n'aurait pas dû accepter ce combat-là. Puis une autre victoire, puis il y avait probablement un combat. Pour la couronne, là, face peut-être à Brock Lesnar. Mais en même temps, est-ce que ça aurait été plus facile pour lui face à Brock Lesnar? Probablement pas, là. Non, ça c'est officiel. Et comme tu dis, ouais, Kongo est quelqu'un de super une très bonne personne, que je vais le répéter à nouveau, là, il m'a déjà donné quelques entrevues par email pour mon site. C'est quelqu'un de super humble et il prend le temps pour parler aux amateurs, alors c'est très apprécié. Comme je dis, moi, c'est plus vraiment le point de vue Wolfster Academy, des fois, que je me doute que c'est peut-être pas dans les top équipes de MMA qu'on a. Ben, une bonne observation. Puis là, on regarde ça, c'est 4-0, je pense, pour l'équipe de Rashad Evans. On peut voir peut-être qu'il y a eu quelques erreurs. Puis je pense que également la manière dont on a enregistré ça, ça nous donne à penser que le clan de Quinton Jackson, là, c'est peut-être pas les meilleurs. C'est pas les Scotty Bowman du MMA, là. Non. Pour les Français qui savent pas qui est Scotty Bowman, c'est le plus grand entraîneur de la Ligue nationale de hockey, qui coachait de belle façon les Canadiens à l'époque, puis certaines autres équipes. Il a gagné des Coupes Stanley avec Pittsburgh et tout ça. Et ça me fait revivre des belles émotions, d'autant plus qu'on est à quelques semaines, je pense, d'annoncer peut-être un retour des Nordiques, Fred, et ça, là, j'ai le cœur en Pour vrai, boîte. j'ai pas suivi du tout. Pour vrai, alors, je savais même pas. C'est bon. Oui, ben là, tu sais que je me précipite un peu, mais dans les dernières nouvelles, on apprend que le maire de Québec, là, Régis Labeaume, qui est à peu près partout, et lui, quand il va partir, là, d'après moi, il va nous vider les poches, mais quand même, il a plein d'idées, c'est un petit vite. Puis là, il y avait rendez-vous avec Gary Bettman au cours de la fin de semaine, je pense. Alors, évidemment, les gens de Québec, là, on est en feu, puis on a déjà hâte à un retour éventuel des Nordiques, mais là, on est peut-être très loin de ça, mais on espère toujours. Et là, je pense que ça conclut pas tout de suite. Parlons du Temple de la Renommée. Fred, à un moment donné, dans une conversation, alors qu'on fait notre émission, nous parle de ça. Il n'y a pas de Temple de la Renommée. Puis là, nous autres, on part, on est précipité, on est en feu. Puis on a décidé d'essayer de se construire ça. Et on aura besoin de votre aide. Encore une fois, on fait appel à vous. On a déjà une liste de combattants que vous pouvez aller facilement trouver là, en allant sur mmnouvelle.com. Là, ça prend pas un génie pour la trouver. Vous allez voir ça. En allant sur le forum, entre autres, ou aller sur la page de l'émission de radio, vous allez voir ça. On a quelques combattants déjà en tête lors de la semaine. Quelques noms se sont rajoutés. Sean Sherk, entre autres, BG Penn, Josh Barnett, tous des bons combattants, mais qui n'ont pas nécessairement une place, je pense, sur un temple à renommée. Mais ce sera à vous et à nous d'en juger. On veut se former un comité. Alors, vous nous envoyez encore vos suggestions de combattants ou de bâtisseurs qui ont aidé à l'essor du MMA. Et en même temps, on essaie de trouver des critères de sélection. On a déjà pensé à quelques critères. Bon, je pense, Fred, tu nous parlais peut-être de mettre une année d'éligibilité, c'est-à-dire au moins quelques années. D'années de service ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas fou, là, parce que je pense, ultimement, ce qui serait parfait, c'est que ce serait seulement les retraités qui pourrait être au temple de renommée, sauf que le MMA, c'est un sport un peu bizarre, puis une retraite, ça n'existe pas à MMA, souvent les combattants reviennent. D'ailleurs, les membres du temple de renommée du UFC, là, plusieurs combattent toujours, je pense au vieux dont je viens de perdre son nom. Coleman est encore là. Couture a fait un ou puis deux retours. Il y a l'autre vieux grand, là, la bête, Dan Severn également. Il est-tu au Temple de la Renommée? Moi, je pense que oui. Oui, et Chuck Liddell va revenir bientôt, je pense. Oui, c'est ça, je suis certain. Puis Ken Shamrock également, lui, il est sous le coup d'une suspension, mais il va encore combattre. Alors, nous autres aussi, mais on va donner quand même des critères de sélection. Puis on a besoin de votre aide pour essayer d'en trouver. Évidemment, on veut trouver des gens qui ont marqué le sport, qui ont contribué à le faire connaître et de manière positive. Là. Tu sais, moi, un gars comme Josh Barnett, ouais, c'est un gars qui a fait de belles choses, mais en même temps, il s'est fait prendre à deux reprises pour avoir utilisé de produits dopants. Alors, pour moi, c'est une mauvaise note déjà, là. Ouais, ça va dépendre des critères de tout le monde, parce que si on fait un petit déplacement au baseball, là, moi, Barry Bonds, puis Maguire, puis tout ça, il y aurait mon vote. Tout simplement, je pense que la majorité du monde était sur des stéroïdes, puis il y a beaucoup de monde qui sont déjà là, qui étaient ces stéroïdes, parce que justement, on regarde au MMA, Royce Gracie, il s'est fait prendre, Ken Shamrock, il s'est fait prendre, Mark Coleman, il s'est peut-être pas fait prendre. Non, c'est ça. Oui, c'est... Mais c'est ça. Dan Severn, ok, peut-être pas lui. Je vais l'admettre que peut-être pas je le regarde, il a pas de l'air d'un gars. Mais à part de ça, moi j'ai mes opinions sur les stéroïdes. Je pense que beaucoup de gars sont sur quelque chose de ou bien illégal ou bien inconnu. Alors, Moi j'ai encore cette petite naïveté de jeune homme pur qui espère qu'il y a encore des gens honnêtes. Et si tu parles de Barry Bonds a été probablement le meilleur joueur pendant de nombreuses années lorsqu'il était avec les Pirates de Pittsburgh. Un gars vraiment talentueux qui pouvait voler des buts, qui était bon au champ, qui avait un bon bras, qui se déplaçait bien, un gars qui courait bien sur les sentiers également, qui avait une bonne moyenne au bâton, qui frappait sa part de circuit à l'époque. Puis à un moment donné, on a l'impression, il était jaloux, il a vu des Mark McGwire, des Sammy Sosa avoir beaucoup plus de succès au niveau populaire que lui, parce que c'était pas des joueurs complets comme lui, mais il prenait des substances qui ont fait en sorte qu'il a frappé de l'autre bord de la clôture plus souvent qu'autrement. À partir de ce moment-là, le bon vieux Barry aussi, il s'est décidé, il en a pris, mais il est devenu un joueur en défensive pas lamentable, là, mais beaucoup moins bon de ce qu'il a déjà été. Puis oui, il frappait la longue balle, mais je pense pas que ça l'a contribué à le rendre meilleur tant que ça. Ça l'a aidé, évidemment, à battre des records de coups de circuit, mais à part de ça, pense pas, puis je suis sûr que s'il y avait la possibilité à l'heure actuelle de recommencer ça, peut-être qu'il n'aurait pas abusé de ces substances-là qui l'ont pas aidé tant que ça, j'ai l'impression. Puis Mark McGwire, là, à un moment donné, il fendait de partout le pauvre garçon. Les blessures, là, ça l'a rattrapé. Alors, moi, j'ai confiance en l'humain, puis je pense que les gens qui ont utilisé ces substances-là doit être banni. C'est mon avis bien personnel, là. Surtout s'ils ont fait prendre deux fois. Une fois, on peut comprendre, là. Mais deux fois, là, à un moment donné... Laisse-moi te poser oui, cette question-là. Si quelqu'un prend pendant 10 ans un produit qui est simplement inconnu et qu'après 10 ans, il devient illégal, est-ce que ces 10 premières années-là devraient être... Parce qu'il y a beaucoup de situations de même, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, mon plus gros problème avec toute la situation, c'est que la liste de produits dopants, elle n'arrête pas de grossir. Ça paraît jamais dans les journaux, tout ça. Mais il y a toujours des produits qui se rajoutent. Et ces produits-là, jusqu'à ce point-là, ils étaient utilisés. Alors, je suis d'accord avec toi, là. J'ai un peu de problème, moi, parce que je me dis que il va toujours avoir un docteur Frankenstein, là, qui va faire la nouvelle potion magique. C'est là mon plus gros problème avec tout ça. Non, je dis pas qu'on doit les bannir de manière rétroactive, là. Ce qui a été commis dans le passé, si c'était accepté, ça l'était. Mais là, maintenant, je pense que là, aux États-Unis notamment, je pense que c'est beaucoup plus surveillé en MMA. Je pense qu'au Japon, ça l'était pas. C'est pour ça qu'on avait des combattants un peu étranges là-bas. Puis ici, c'est bizarre, quand ils combattent en Amérique, ils ont perdu quelques livres. Hein. Je m'a dire avec ça aussi... Moi, j'ai certains doutes sur les liens que des fois certains peuvent avoir. Je vais te donner un exemple qu'il y a beaucoup de gars qui se font pogner en Californie, puis l'UFC va pas trop souvent en Californie. Puis amuse-toi à regarder un peu qui va combattre sur la prochaine gala. Et il y a pas beaucoup de gars avec des physiques très impressionnants sur l'UFC 104. Et justement, La commission de la Californie est reconnue pour être dure un peu là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui se sont fait pogner les Sean Sherk et tout. Et Sean Sherk était supposé de se battre et il a justement refusé. Alors, on peut prendre aussi le cas de Nick Diaz où ce que supposément il y avait une entente de pas avoir de test d'avant combat parce qu'il fume de la marijuana médicale. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup mes doutes, moi. J'ai de la misère. Je pense que beaucoup de monde sont ces stéroïdes. Ce que je suis déçu. J'espère que non, mais écoutez, faut pas se faire des cachettes, là. C'est sûr qu'il y a sûrement quelques combattants qui utilisent ça. Puis moi, je suis persuadé que ça doit pas aider tant que ça. Puis au contraire, c'est un il y a sûrement des produits que tu peux prendre qui, oui, vont peut-être te donner plus de force, mais au côté flexibilité, tu peux en perdre. Mais en tous les cas, s'il y a des enfants qui nous écoutent, on touche pas à ça. Seulement un jus d'orange extra pulpe, ça fait le travail. Oui, il y a des vitamines. Ouais, des vitamines, beaucoup de vitamines. Comme Hulk Hogan, il nous disait, prenez vos vitamines puis faites vos prières. Oui, et vous voyez bien que Hulk Hogan, lui, n'a jamais utilisé ce genre de substance-là. Alors, c'est pas mal ça pour le temple de la renommée, là. Alors, Ouais, oui, évidemment. juste mentionner que c'est ça, les amateurs, envoyez-nous les idées. C'est un projet qui va se passer sur sûrement plusieurs mois là, avant qu'il y ait la première cuvée, si on veut. Ça va prendre une couple de mois, je pense, parce qu'on voit ça quand même assez gros et on veut faire ça sérieux, ou ce que on veut que vous participiez. Alors, envoyez des idées, des critères de sélection, de comment que le comité devrait être formé aussi. Alors, on est prêt à prendre toutes les suggestions en ce moment. Oui, effectivement. On veut que ce soit crédible comme temple de la renommée, mais évidemment, là, on sait très bien, hein, on n'est pas, ça va être modeste quand même, là, mais quand même, on veut que ce soit sérieux puis bien fait. Puis là, on a une trolley de noms qu'on a déjà inscrits, puis on sait très bien qu'il y en a beaucoup parmi eux qui ne méritent pas de leur place. Alors, tu parles d'à peu près 12 ans d'expérience, c'est pas fou. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je dirais peut-être avoir au moins 35 ans, sauf dans des cas très exceptionnels, là je pense à Fedor Emelianenko, mais 35 ans, parce que là, bon, on voit des Georges Saint-Pierre puis tout ça. Oui, effectivement, Georges Saint-Pierre va sûrement s'y retrouver là, éventuellement au Temple de la Renommée, mais le gars, il n'a pas encore 30 ans, alors laissez-y sa chance, là. Il a même pas son apogée dans sa carrière. Alors moi, je suis pas convaincu qu'il a sa place, loin de là. Alors, tout ça, alors on passe à ça, chacun de notre bord, puis on contribue tout ensemble après, puis on va se former notre temple à renommée de la voix des guerriers. Alors, suivez ça de semaine en semaine dans notre émission et également sur mmnouvelles.com. Maintenant, on parlait de jus d'orange. Moi, je m'en vais prendre mon petit gorgée de jus d'orange et du côté de Fred Garcia. Bien, vas-y, prends tes vitamines. Un café, deux laits, deux sucres. Ça aura lieu, ça, au Centre Claude Robillard, à Montréal, au Québec. Alors, manquez pas ça, c'est tout nouveau quand même, une toute nouvelle organisation dirigée par Dirk Waterberg, qui a combattu, c'est un combattant d'expérience, retraité maintenant. Son fils sera de la carte et je vous fais part des combats qui auront lieu. Il y a quand même des combats relativement, et même, je dirais, très intéressants pour une première carte, là. Je trouve que c'est bien réussi. Combats principaux entre Thierry Canville face à Tim Tamaki. Thierry Canville, 14-8, c'est un gars du Tristar Gym. Donc, il s'entraîne avec les gars que vous connaissez, les Georges Saint-Pierre et toute la gang de joyeux, quand même, et très excellents, bons combattants qui ont beaucoup de succès. Alors, le Tristar, quand même, l'équipe de Firazabi, qui amasse plusieurs combattants d'expérience qui vont se joindre au groupe dans les derniers mois. Des gars, John Jones, peut-être pas un combattant d'expérience, mais jeune, très prometteur, américain, Kenny Florian, toute cette gang-là, alors vraiment un clan très respecté. Canville va affronter Tim Tamaki. Tamaki, là, je vais vous le dire, c'est pas un gars que je connais, et je regarde sa fiche, je suis un peu surpris, 8 victoires, 14 défaites. C'est un peu bizarre comme confrontation de combat. Canville, en papier, on a exactement le même nombre de combats, mais c'est 14-8 pour Canville, 8-14 pour Tamaki. Tamaki s'est fait soumettre 4 fois parmi ses 14 défaites, alors que Canville a sur ses 14 victoires, 7 soumissions. Alors, très habile au sol, Thierry Canville, qui revient de 2 victoires consécutives en 2009 face à Douglas Evans et Paul Reed, qui vient tout juste d'avoir lieu là, pour l'organisation Ringside. Alors que Tamaki, bon, oui, a remporté son dernier combat, mais avant ça, était sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 défaites consécutives. Alors, ça, c'est un combat plutôt étrange, mais pour les autres. Guillaume De Lorenzi, la fierté de Québec, qui s'entraîne au Nordic Fight Club, sera opposé à Sébastien Garguier, que je ne connais pas vraiment, qui est un Français qui s'est entraîné à Las Vegas là, dans la dernière année. Et qu'on dit quand même beaucoup de bien de lui, surtout dans ses qualités de combattant debout. Il a une fiche de 3 victoires et 2 défaites. Face à Guillaume De Lorenzi, ce sera peut-être pas très facile pour lui, parce que bon, De Lorenzi, un combattant maintenant à 155 livres, s'il est capable de maintenir ce poids-là, on sait que son premier combat qui a eu lieu pour le Ringside il y a quelques semaines, la coupe de poids a été très difficile dans son cas, mais s'il est capable de s'habituer puis entouré d'une bonne nutritionniste, là, il peut être très dangereux, je pense, à 155 livres. Guillaume De Lorenzi est face à ce Français Sébastien Garguier. Ça, c'est un combat qui m'intéresse, somme toute, quand même. Alors que Garguier s'est entraîné, comme je vous le dis, à Las Vegas dans la dernière année, avec Farid Kader, entre autres. Et ça, c'est un combat qui va être intéressant dans la catégorie des 155 livres. Mis à part cela, on a également Derek Gauthier. Derek Gauthier, c'est un des plus prometteurs combattants au Québec. Une fiche de 4 victoires, il n'a aucune défaite. 2 victoires par TKO et 2 par soumission. Alors, n'a jamais atteint la limite. Il a battu notamment Yannick Galipeau et Dave Parizeau. Et là, il sera confronté à Mike Medrano, qui a 4 victoires et 4 défaites. Faut dire qu'on a mis un peu de temps à trouver un adversaire à Derek Gauthier, mais Mike Medrano, c'était celui qu'on a trouvé. Par la suite, Yannick Galipeau fera un retour, puisque, bon, lui, c'était un jeune homme très prometteur, puis au début de sa carrière, l'organisation TKO le comparait un peu à Georges Saint-Pierre, parce que lui aussi est issu du karaté Kyokushin, tout comme Georges Saint-Pierre. Mais son début de carrière, ça s'est bien déroulé, mais après ça, il a subi quelques défaites. A une fiche de 2 victoires, 2 défaites. Il a perdu contre Stéphane Dubé et Derek Gauthier. Ce sera son premier combat en un an dans le cas de Yannick Galipeau et son adversaire sera Patrick Tessier, qui est bon à MMA, plutôt inconnu, mais c'est un boxeur qui n'a pas eu beaucoup de succès. Là. 3 victoires, 10 défaites en boxe professionnelle. Il vient de perdre une décision contre Ali Nestor Charles dans une carte, dans un événement d'Ali Nestor, là, la UMF, je pense, si je ne me trompe pas, le nom de son organisation. Ça, c'était en fin d'année 2008. Et il a perdu également contre David Lemieux. David Lemieux, tu connais peut-être, là. Il a eu beaucoup de succès en boxe ici, provincial. Je pense que 18 victoires, 18 par KO jusqu'à maintenant. C'est un jeune homme là, à peine 20 ans. Un boxeur québécois prometteur, c'est David Lemieux. Alors, oui, vas-y, Fred. Non, je veux simplement dire que à part les gros noms dans la boxe locale, je suis pas vraiment, non. Ah, ben ça, c'est peut-être un gars à surveiller, David Lemieux, là. Tout ça pour dire qu'il a déjà affronté Patrick Tessier, puis ben, il a sacré une bonne volée à Patrick Tessier. Yann Pellerin face à Jason Cécile. La dernière aventure de Yann Pellerin, c'était face à Steve Bossé. Et s'était blessé sérieusement au talon d'Achille. Mais là, il revient déjà assez rapidement quand même, apparemment revenu de sa blessure. Puis j'ai parlé à Dirk Vandenberg, puis j'ai dit le combat est ciselé à 200, est prévu pour 215 livres. Et M. Waterburn m'a confirmé, Yann Pellerin a arrêté de manger des donuts et va être prêt pour affronter Jason Cecil à 215 livres. Yann Pellerin, combattant d'expérience, une fiche sur papier, bon, c'est pas fabuleux, 9 victoires, 12 défaites, mais mon ami Marco Poulain m'a toujours dit que c'est un combattant peut-être sous-estimé. Voyons voir ce qu'il va faire face à Jason Cecil, 4 et 8, qui vient de battre Ricardo François. Et je me rappelle d'une défaite, moi, de Jason Cecil face à Martin Desilets. Je pense que c'est à ce moment-là que Martin Desilets est devenu le champion des 205 livres de XMMA. Par la suite, Marcus Célestin, un autre combattant du Tristar, 3 victoires et 3 défaites. Ce sera son premier combat depuis l'année 2007. Et son adversaire, ça, c'est intéressant. Un autre combattant, un prospect intéressant de MMA au Québec, Mark Blackburn. Je pense qu'il a 30 ans, mais c'est un enseignant d'éducation physique, si je ne m'abuse, à Jonquière. Il a 2 victoires, 1 défaite. Sa dernière défaite, c'était à son dernier combat, mais face à Chris Clemens, un combat qu'il avait pris à la toute dernière minute. C'est un gars qui s'entraîne avec le clan de Team Yaskevich à Jonquière, Mark Blackburn. Ses deux premiers combats, il les avait remportés en 6 et 9 secondes, je pense, respectivement, et toutes les deux grâce à sa jambe arrière. Alors, Mark Blackburn revient déjà face à Marcus Célestin. Un combat intéressant, puis j'ai hâte de voir si Blackburn va pouvoir reprendre le chemin de la victoire assez rapidement après cette défaite qu'il a subie aux mains de Chris Clemens. Dimitri Waterberg, il sera, il a 2 victoires et 4 défaites. Il s'entraîne évidemment avec son père au Speedy Gym. Et il sera confronté à Pierrot Marcoux du clan de Yannick Bergeron à Drummondville, qui a 1 victoire et 1 défaite. Pour ce qui est de Pierrot Marcoux, il a battu Steven Lamy et il avait perdu tout récemment face à Stéphane Pelletier. Stéphane Chrétien, lui, va se frotter à Kevin Morin du clan de Steve Claveau, le team Légion de Victoriaville. Pour ce qui est de Guillaume Fortier de Québec, Nordic Fight Club, un autre combattant qui vient du Nordic Fight Club, ce sera son deuxième combat professionnel. Il a perdu le premier par Kimura face à Benoît Guillonnet. Et là, il affrontera Éric Dumaine, encore une fois, d'un gars de Team Bergeron, qui lui a 1 victoire pour aucune défaite. Brian Da Silva se frottera à Sébastien Hamel. Sébastien Hamel, c'est un autre issu de la boxe professionnelle. Il a 29 ans. Une autre fiche pas nécessairement très spectaculaire. 10 victoires, 21 défaites pour Sébastien Hamel. Il est sur une lancée remarquable de 7 victoires. 7 défaites consécutives en boxe professionnelle. Son dernier, c'était en août 2009. Alors, ça semble pas trop fonctionner en boxe pour lui. Il s'est dit peut-être en MMA. On lui souhaite bonne chance. Il en aura peut-être besoin. Sébastien Vachon, du Speedy Gym également. Ça, c'est situé à l'IRMB. Il a 1 victoire et 1 défaite en carrière. Il se frottera à Jeff Royer, qui lui a 1 victoire jusqu'à maintenant. Il avait battu Sébastien Deroy par TKO. Et il y a un autre combat de prévu là, entre Alex Garcia face à TJ Colletti et également Bruno Lurette qui se frottera à Fred Bélanger. Pour ce qui est de Bélanger, c'est 1 victoire, 1 défaite. Pour Bruno Lurette, c'est son premier combat professionnel en MMA. Lui qui était supposé affronter Nick Aiello le 19 septembre pour l'organisation Ringside. Mais Aiello n'a pas pu se combattre suite à des problèmes de santé. Il a échoué plutôt des tests médicaux. Alors, Lurette va entamer sa carrière. Il est âgé de 34 ans. C'est un gars qui vient de Kedwig, au nord du Nouveau-Brunswick. Un combattant apparemment avec des belles qualités, surtout en Muay Thai. Et il s'est joint depuis l'année 2008 au clan de Firas Zabi en MMA. Alors voyons voir, ça peut peut-être être un combattant qui peut être intéressant. Un nouveau venu, Bruno Lurette, à surveiller. Vous voulez assister à cet événement-là? Ça a lieu le 17 octobre prochain au centre Claude Robillard, le tout premier événement signé MFL. Finalement, j'ai un dernier événement à lequel je vais vous faire part de quelques combattants. Ça a lieu en Hollande, alors ça va être plus difficile de s'y rendre, mais quand même, ça peut nous intéresser parce qu'il y a des noms intéressants. Ce sera le 17 octobre 2009 également. Un événement qui s'intitule Ultimate Glory 11. donc le 11e événement de l'organisation. Combat principal, ça aura lieu en règle de K1. Sammy Shield, le géant garçon qui vient des Pays-Bas. Il a 35 ans. Il a combattu en MMA quand même dans plusieurs combats également. Il a 30 victoires et 5 défaites en kickboxing et 26-14 en MMA. Je me souviens, il s'est déjà frotté à Fedor, entre autres. Il avait été, il a subi la défaite face à Fedor. Et si, il on l'avait vu dans l'UFC, je me rappelle plus contre qui, dans les alentours de l'UFC 30, quelque chose, il avait fait un tour aussi. T'as raison. Moi, j'ai pas vu son combat dans la UFC, mais je me souviens d'avoir vu ça sur sa fiche. Il a combattu pour le Pride, mais ses grands succès, il les a connus en K1, l'organisation japonaise, où il a remporté à 3 années consécutives, en plus de ça, 2005, 2006, 2007, le gros tournoi qui a lieu à chaque mois de décembre de chaque année. Alors, Sammy Shield, très solide, debout. Il sera, il va se frotter au Bélarus. Alexei Ignashov, que peut-être les gros amateurs de K1, surtout en France, là, s'il y en a qui nous écoutent, vous le connaissez probablement. 6 pieds 5, un grand garçon, très talentueux, avec des genoux dévastateurs, là, pour un poids lourd, là, il déplace ses genoux avec une vitesse assez incroyable. Il n'a que 31 ans. Je sais qu'il a eu sa part de blessure dans les dernières années. On l'a un peu moins vu, mais il a une belle fiche de 76 victoires et 16 défaites en carrière. Il a perdu son dernier combat face à un Français, Freddy Camayo. Ça, c'était dans un événement qui a eu lieu à Paris, en plus de ça. Mais dans le passé, il a eu beaucoup de succès. Il y a plusieurs années de ça. Par contre, là, dans le cas d'Ignashov, on lui souhaite de pouvoir revenir avec les succès qu'il a connus dans les débuts des années 2000. À cette époque-là, il a déjà battu Peter Hurt, Bader Harry, Cyril Abidi, qui est un Français aussi, Cyril Diabaté, qui est un Français également, Sammy Shield, il a déjà battu Sammy Shield, ça c'était en 2004. Alors, on s'est donné rendez-vous pour une deuxième fois entre les deux protagonistes, Shield et Ignashov. Le premier duel a eu lieu en 2004 et le Bélarusse l'avait emporté grâce à ses genoux, justement. Alors, voyons voir ce que ça va donner en 2009, alors que Shield peut-être a descendu depuis un ou deux ans, un petit peu moins de succès, mais dans le cas d'Ignashov, lui, ça fait plusieurs années où ça va plus ou moins bien. Alors, souhaitons un retour en feu pour Ignashov, qui a seulement 31 ans et qui est plein de talent. S'il est capable de régler tous ses bobos, là, c'est un gars qui peut être dangereux toujours. En règle de MMA maintenant, Fred nous en parlait tout à l'heure, Alistair Overeem, il sera lui aussi à mesure 6 pieds 5, il est coupé au couteau en plus, et c'est un athlète évidemment qui combat surtout en MMA, mais qui s'est lancé en K1 également à quelques reprises, là. Et il a une fiche de 4 victoires, 3 défaites en kickboxing. Mais là, comme je vous le dis, ça aura lieu en MMA le combat. En MMA, 29 et 11, c'est sa fiche. Il a perdu contre Chuck Liddell, entre autres. C'était au Pride, lors de l'une des deux aventures, je pense, de Chuck Liddell au Pride. Il a perdu à 2 reprises face à Mauricio Roy. Et il a perdu face à Nogueira également. Mais Overeem, quand même, plein de talent. Puis là, s'il s'entraîne comme il faut, il peut être dangereux dans les poids lourds, surtout debout. Et là, il va se frotter à Tony Sylvester, qui a 11 victoires, 2 défaites, un Américain de 31 ans. Et qui a déjà perdu un combat face à Chris Toscherer. Oui, Chris Toscherer, qui s'entraîne avec Brock Lesnar. Qui a mangé toute une là, dans les parties Gonzaga. Oui, ça faisait mal. Je vais passer juste 2 secondes sur ça. Il y a eu des citations où ce que on pouvait lire, où ce que Toucherer a dit à son coin que sa testicule était rentrée en dedans de lui. Alors, ça donnait mal juste à lire. Je vais revenir juste sur Overeem. T'as dit le corps coupé au couteau. On pourrait peut-être parler justement de l'évolution de son physique à travers les années. Effectivement, il a pris beaucoup de masse, mais il faut faire attention. Là, Overeem quand même, il était très jeune à l'époque. Oui, bon, peut-être que je suis crédule, un peu naïf là, mais il a peut-être gagné une maturité physique et. Moi, regarde, j'en reviens à dire toujours, là, je pense beaucoup que le monde, là, on n'a pas la vraie image de ce que c'est les stéroïdes et tout ça. Et j'accuse pas Overeem, j'accuse pas personne, je dis juste simplement que je pense que beaucoup de personnes en utilisent. Mais le monde, souvent, ont l'idée que les stéroïdes vont être les produits magiques qui va faire que le gars devient super fort. C'est pas tout à fait ça. C'est que le stéroïde va lui donner l'énergie de s'entraîner à n'en plus finir. Et c'est justement là que le corps humain est pas supposé de prendre autant d'entraînement. Le corps humain a besoin de se reposer un peu. Or, un excès d'entraînement, souvent, ça peut être relié justement à de l'aide un peu relié aux drogues qui peuvent redonner l'énergie puis réénergiser son corps et comme enlever les bobos là, qu'après une séance d'entraînement, t'es tout tendu. C'est ça que ça va servir, surtout les stéroïdes. Fred, moi j'ai l'impression que toi, tu serais pour qu'on légalise ça. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont cette opinion-là. Pas tout à fait. Moi, je pense simplement qu'on nous traite là comme... si on veut, des enfants. Et ça, j'aime pas beaucoup ça. On n'est pas honnête avec la situation. C'est surtout ça que j'aime pas. On fait une chasse aux sorcières et on n'est pas honnête qu'il y a beaucoup de produits qui sont considérés légaux qui sont tout aussi nocifs. C'est ça qui m'énerve un peu sur la situation. Alors, j'aime pas beaucoup là blâmer un individu comme Overeem ou quoi que ce soit. C'est plus le système en tant que tel qui a besoin d'être revu et au plus haut niveau, selon moi. Dans tous les sports, il y a de l'hypocrisie, puis c'est officiel. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais moi, je pense que c'est important socialement de réprimander ceux qui abusent de ces substances-là, puis qui peuvent être très nuisibles au point de vue santé. Regarde, en athlétisme, là, c'est pas rare de voir les coureurs de 100 mètres, hommes et femmes, mourir très jeunes. Oui, exactement, tu vois, tu parles, mais c'est pour ça que je reviens à ça, tu parles de l'athlétisme, c'est le meilleur exemple selon moi, les Olympiques là, qui ont sûrement le meilleur système de testage, c'est officiel qu'il y en a plein qui abusent des stéroïdes là-dedans, alors de penser que dans le sport professionnel, qui ont des règles pas mal suspectes de testage, que c'est seulement 2-3% du monde qui l'utilise, j'ai beaucoup de problèmes avec justement l'équation, si on veut. Il y a quelque chose qui marche pas mathématiquement dans ma tête sur cette équation-là. Ouais, ben effectivement, il y en a sûrement qui en abusent puis qui se font pas prendre. Puis en même temps, c'est sûr qu'on peut comprendre que c'est pas toujours juste pour les autres. Mais moi, je dis que ceux qu'on prend, il faut faire des cas d'exemple avec eux. C'est dommage, mais ça c'est mon avis bien personnel. Par la suite, je vais vous parler d'un autre combat. Anderson Silva, mais qui est pas le même, qui est un Brésilien, mais qui est un autre Anderson Silva. Il va affronter l'Allemand d'origine croate, Stéphane Leko. En règle de K1, Leko, les amateurs de K1, vous le connaissez, ça fait longtemps qu'il est là. Il y a également le frère d'Alistair Overeem, qui devrait être de la carte, Valentin. Je sais son nom, il y a comme une lettre de plus, mais on va l'appeler Valentin Overeem. Il a 26-2, notamment. Il a déjà battu Randy Couture par guillotine. C'était au début des années 2000. Mais on peut comprendre quand même. C'était une victoire surprise dans cette époque-là, si ça se reproduisait. Je pense que Couture le battrait assez facilement, mais en tous les cas, Overeem a déjà vaincu Randy Couture, c'est pas peu dire. C'est pas mal ça pour l'Ultimate Glory 11. Ah, juste un petit mot sur Randy Couture, ou peut-être c'est peut-être oui. Un de mes arguments, justement, que Randy est surévalué. Là, mais... Là, je m'y attendais. Non, Randy, c'est mon homme, et je vais le défendre, mais je peux comprendre, évidemment, sur papier, là, c'est pas si spectaculaire que ça, c'est pas le gars qui a une fiche de 31, là, il y a plusieurs défaites à son actif, mais il y a beaucoup de combats très importants, c'est un gars qui a aidé à populariser le sport, à lui donner une crédibilité, puis je pense que c'est un gars qui... un bon ambassadeur, ça c'est officiel. Effectivement. Oui, c'est les mots que je cherchais. Mais je pense que Brandon Vera à l'UFC 105 a beaucoup à gagner dans ce combat-là parce que s'il peut sortir une belle performance et réussir à remporter, c'est un gros nom qui va donner beaucoup de valeur à Brandon Vera que moi, je ne donnerais pas autant, là, mais Vera a beaucoup à gagner dans ce combat-là pour sa carrière, je pense. Oui, puis Vera a débuté, je pense, en Lyon, sa carrière, 8 victoires, quelque chose comme ça, dont une face à Frank Mir. Bon, à l'époque, Frank Mir a eu, il y avait des problèmes, là. Mais en tous les cas, ça va être un autre événement. Le UFC, là, ça s'en vient. Le mois d'octobre aura parti un peu plus lentement, mais là, le mois de novembre, ça va être fou. Soyez là avec nous. Le mois de novembre, là, on va avoir Strikeforce va être là à deux reprises pour un événement majeur puis un événement mineur. Le UFC va être là, évidemment, le 14 novembre, un événement qui aura lieu en Angleterre. La WEC a un événement également au mois de novembre. Le UFC va revenir au mois de novembre également. Il y a deux événements au mois de novembre pour le UFC. Et au mois de décembre, il y en a trois, il me semble, parce que je suis pas sûr, il y en a peut-être juste deux. Il y a le UFC 107 et il y a la finale de l'Ultimate Fighter, mais il n'y aurait pas aussi un Ultimate Fight Night au mois de décembre. En tout cas, il y a beaucoup d'actions qui s'en viennent, puis c'est ça que je regarde moi aussi depuis une couple de jours. J'ai hâte que ça arrive parce que les dernières semaines ont été relativement tranquilles. Je manque d'idées à quoi écrire sur mon blog. Des fois, il manque de sujets, justement. Oui, ben pourquoi pas une petite recette maison. Comment apprêter ces stéroïdes? Voilà. Non, hey, c'est comme ça que ça se termine pour cette semaine. On vous invite la semaine prochaine à être là avec nous. La semaine prochaine, on va vous faire part de la carte du UFC 104. C'est Lyoto Machida face à Mauricio Roy. Beaucoup, beaucoup à dire sur cet événement-là. Ça va être le fun de regarder ça. On se prépare également pour les nouveaux joueurs. On va avoir un nouveau jeu à pouvoir s'amuser avec. C'est le jeu de paris virtuel. On remercie Fred Garcia d'avoir créé ça. C'est, je dois dire, une des plus belles inventions depuis Belle Lurette. Le pain tranché. Oui, c'est l'expression consacrée que je cherchais. Alors, oui, vas-y, Fred. Peut-être juste en finissant, dire un gros merci à tous les amateurs encore là, qui viennent participer et leurs opinions. C'est vraiment intéressant. J'en reviens pas des fois de voir le détail que certaines personnes vont appliquer dans leurs commentaires. Alors, c'est très apprécié. Un gros merci. Oui, là-dessus, on se dit au revoir et à la semaine prochaine, tout le monde. C'était La Voix des Guerriers, votre émission favorite hebdomadaire qui reviendra la semaine prochaine, à moins qu'il y ait un décès entre moi et Fred, mais c'est pas supposé. Bye.